C'est sur ce son de Jimmy Cliff que nous ouvrons l'émission ce soir. Bonsoir à tous et bienvenue sur la radar du sport pour cette émission ce soir sur Arc-en-Ciel. Ravi de vous retrouver donc ce soir pour une nouvelle émission avec donc Jimmy Cliff en fond, vous l'avez reconnu, Many Waves to Cross, avec le décès de Jimmy Cliff. Aujourd'hui, on l'a appris, déçu d'une attaque à 81 ans. Le chanteur de reggae jamaïcain qui nous a quitté ce matin. On aura l'occasion de l'écouter tout à l'heure également, Jimmy Cliff, lors de la pause. En tout cas, voilà, on voulait ouvrir avec ça ce soir. En tous les cas, bienvenue à vous pour cette nouvelle émission de la Radar du Sport, 24 novembre. On est ensemble jusqu'à 22h30. Hugo qui nous rejoindra comme d'habitude à 21h. Pour la page foot. Et puis d'ici là, tout le reste de notre actualité sport. On aura bien entendu, comme chaque fois, du basket, du hand, du rugby, du tennis. Voilà, il s'est passé pas mal de choses. On viendra sur la défaite de l'OLB qui a chuté après 9 victoires consécutives. Juste avant la trêve, on en parlera. On en parlera aussi de Saran au hand qui, de son côté, s'est imposé. Défaite aussi de l'USO en foot, on en parlera bien sûr tout à l'heure. Voilà, ça peut être un très bon week-end sur le côté sport, hein. Dans l'agglomération léonaise, on en reparlera bien sûr, du rugby aussi avec la victoire du 15 de France face à l'Australie, et puis du tennis aussi, un bout de tennis, puisque c'est l'Italie qui a conservé son titre lors de la Coupe Davis, troisième victoire consécutive donc dans le tournoi. La France battue dès les quarts de finale. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, bien sûr, avec après 21h, toute la page football aussi, comme d'habitude, avec ce qui s'est passé dans les championnats. C'était le grand retour après la trêve. Et puis, bien sûr, cette semaine, la Ligue des Champions, cinquième journée, on aura une grande page sur ça, bien sûr, puis tout ce qui s'est passé à l'étranger aussi, avec hier, notamment en Angleterre, ce choc en Angleterre. Entre Arsenal et Tottenham, avec les Watts qui ont chuté aussi, on en parlera une nouvelle fois, Liverpool du côté du championnat anglais. Voilà le programme de la soirée, beaucoup de choses, je vous l'ai dit donc, et puis des directs que l'on suivra comme d'habitude, 4 ce soir, 20h45, nous aurons la Ligue 2, 15e journée, match de clôture entre Reims 8e et Montpellier 4e, un match important pour les Montpellierains qui pourraient se rapprocher un peu du podium en cas de succès, qui, on verra, est dominé toujours par 3 Saint-Etienne et les Red Stars. Donc en Ligue 2, ce sera 20h45. On aura donc également 20h45 l'Italie, la 12e journée de Serie A entre Sassuolo et Pise. C'est à donc 20h45 cette rencontre. Et puis deux rencontres à 21h. L'Angleterre, donc on en parlait juste avant tout à l'heure, ce sera Manchester United ce soir qui affronte Everton, donc 21h, et puis également un match en Espagne, c'est la 13e journée de la Liga espagnole contre donc l'Espagnol Barcelone et Séville. Ce sera donc à 21h cette rencontre. Voilà ce que l'on suivra tout au long de la soirée. Donc beaucoup de choses encore, et puis un mot aussi de sport mécanique pour démarrer, avec, comme d'habitude, avec du chamboulement dans le championnat du monde de Formule 1, on en parlera. Et puis dans quelques petites semaines, j'allais dire, mais même quelques petits jours, le début de la saison de biathlon. Voilà, on va vous présenter tout ce qui va se passer sur le monde biathlon. On aura le programme, le calendrier de cette nouvelle saison qui s'annonce encore une nouvelle fois passionnante. Voilà, on en parle aussi dans quelques minutes, juste après le début de cette émission. Donc, c'est parti tout de suite pour l'arrêt d'arc du sport. On va lancer l'émission. Donc, 21h, on retrouve Hugo. Et puis, d'ici là, tout notre petit flash multisport. Et bien entendu, les directs tout au long de cette émission en fil rouge. L'arrêt d'arc du sport, ça démarre maintenant. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. Et pour démarrer donc cette émission, je vous le disais, notre saison de biathlon qui va reprendre, hein, ça y est, une nouvelle saison que l'on a hâte de retrouver. Ça va démarrer cette semaine, ce week-end. Ça y est, c'est le grand retour avec une première étape qui aura lieu en Suède à Östersund. Début des hostilités samedi. Ce sera le relais homme qui lancera la saison. Donc, à samedi à 16h55. Ensuite, rendez-vous mercredi pour le premier individuel de la saison. Donc, d'abord pour les hommes. Ce sera donc mercredi. Nous aurons ensuite samedi, le samedi d'après, le sprint homme, et puis enfin la poursuite homme qui aura lieu donc le lendemain, le dimanche. Et puis donc les femmes qui auront le même programme, le relais samedi qui arrive, l'individuel le mardi, et puis enfin le sprint vendredi et la poursuite dimanche. Donc les deux poursuites auront lieu dimanche. Donc voilà, le programme, ça va s'étaler sur une semaine complète, du samedi au samedi. Donc cette première étape à Östersund en Suède, et puis ensuite décembre, deux nouveaux rendez-vous, Hirschhülsen en Autriche, et puis bien sûr Annecy le Grand Bornand, une nouvelle fois cette saison dans le calendrier, ça fait plaisir. Ce sera à partir du 18 décembre jusqu'au 21 décembre. Donc voilà, je vous invite à bien sûr le noter si vous souhaitez y être. Ce sera donc du 18 au 21 décembre, et puis ensuite bien sûr toute la reste de la saison comme d'habitude, ça n'a pas bougé, hein. Oberhof, Ruppolding pour l'Allemagne, Novomiesto pour la République Tchèque, Kontiolahti pour la Finlande. Un nouveau rendez-vous, ce sera Otepa en Lettonie, cette nouvelle étape, et puis Oslo pour clôturer comme d'habitude la saison fin mars. Voilà, nouvelle saison de biathlon que l'on a hâte de découvrir avec des Français déjà très en forme, hein, qui ont participé à des courses de préparation et qui ont été vraiment vraiment bons, hein, encore une fois des victoires, des deuxièmes places pour nos Français et nos Françaises. Donc ils sont prêts donc pour cette nouvelle saison donc de biathlon. On poursuit avec tout à fait autre chose. Je vous le disais tout à l'heure, la Formule 1, ça bouge énormément. Il s'est passé des choses ce week-end dans ce Grand Prix de Formule 1 qui avait lieu à Las Vegas cette année. Donc pour ce Grand Prix, victoire de Max Verstappen qui s'est imposé. Donc dès le début, hein, il est passé devant au premier tour pour s'imposer finalement. Et puis grosse surprise, c'est les McLaren de Lando Norris et de Oscar Piastri qui ont été disqualifiés à la suite de ce Grand Prix pour un plancher non conforme, hein, qui n'était pas suffisamment épais, et donc ils ont été disqualifiés. Donc vraiment chamboulement au classement général, on va le voir, puisqu'ils étaient bien classés, hein, dans les quatre premiers de ce Grand Prix. Donc gros chamboulement. C'est George Russell, le Britannique, qui récupère la deuxième place donc de ce Grand Prix. Et puis pour terminer avec la troisième place donc de ce Grand Prix de Las Vegas. Puis après bien sûr le ce qui va nous attendre, hein, sur le bien sûr le calendrier, hein, puisque ça va avoir tout rebattu en tout cas sur cette étape là et voilà, pour finir, je vous le disais, sur ce Grand Prix de Las Vegas, la troisième place, eh bien elle est revenue à Antonelli, l'Italien Andrea Antonelli, voilà, qu'on a très peu vu, mais qui a profité justement de ses faits de course pour finalement prendre la troisième place. À Leclerc quatrième, noter un Français dans les points, Isaac Hadjar sur Racing Bulls qui a pris la sixième place, Esteban Ocon neuvième, Pierre Gasly treizième. Voilà donc le résultat de ce Grand Prix. Le classement, je vous le disais, ça a bien bougé puisque Lando Norris donc reste leader, mais il perd vraiment beaucoup d'avance. Il a 390 points ce lundi. Oscar Piastri et Max Verstappen sont à égalité parfaite, 366 points. Voilà, donc il reste 24 points d'avance pour le Nonneries, donc il a quand même les cartes en main. Mais voilà, il va y avoir du travail donc pour le prochain Grand Prix, ce sera le Qatar et ce sera déjà dimanche. Voilà, donc dimanche ça pourrait être clôturé la saison si Lando Norris s'impose, mais voilà, rien n'est joué. En tout cas, ils ont la possibilité de revenir derrière Oscar Piastri, Verstappen, pourquoi pas Del Qatar, et puis ensuite il y aura Abu Dhabi pour clôturer. On aura peut-être une finale là-bas, on suivra ça déjà dimanche avec donc ce Grand Prix du Qatar. En MotoGP, eh bien, on approche de la fin de saison aussi, qui est voilà, la saison qui s'est terminée même avec le Grand Prix de Valence qui avait lieu la semaine dernière pour clôturer la saison. C'est Bettecci, l'Italien, qui s'est imposé, et d'ailleurs qui s'est imposé aussi au Portugal la semaine précédente. Donc deux victoires pour clôturer, mais voilà, le classement a été fait depuis longtemps. Marc Marquez finit donc, on l'a dit, champion depuis un petit peu, 545 points. Alex Marquez, son frère, 467 points. Et puis Bettecci, l'Italien, donc termine troisième de cette saison donc de Formule 1. Et enfin, le rallye, donc... WRC, c'est très très serré. Hein. Voilà, il s'est passé beaucoup de choses. Hein. On n'était pas à l'antenne suite au Grand Prix du Rallye du Japon qui avait lieu début novembre. Mais c'est Sébastien Ogier qui s'est imposé, lui qui avait perdu gros hein, sur le rallye précédent. Donc là, il a réussi à s'imposer sur ce rallye du Japon devant Elfyn Evans, qui du coup était son plus grand rival devant. Donc il a pris des points. Il a pris des points sur le Britannique. Désormais, l'écart de 3 points seulement, qui séparent Elfyn Evans et Sébastien Ogier pour le titre cette année. Ça se jouera lors du rallye d'Arabie Saoudite qui aura lieu cette semaine. Voilà, la finale de ce championnat du monde. Hein. C'est rare d'avoir attendu la dernière échéance, mais ce sera le cas cette année. Donc ça démarre jeudi jusqu'à dimanche. Voilà, Sébastien Ogier a les cartes en main. Hein. Il s'impose et ou en tout cas il termine devant Elfyn Evans et ça suffira pour s'imposer. Elfyn Evans aussi a son destin en main, donc ça va être une vraie finale. 3 points les séparent. Roven Perra derrière le Finlandais sur le monde en titre, c'est un petit peu loin avec 248 points, donc il pourra pas se mêler à la bataille, mais voilà, le Britannique et le Français à la lutte pour donc ce titre. Voilà, ça va être encore donc du grand jeu ce week-end. Donc on verra ça, en tout cas un 9e titre de champion du monde qui pourrait donc revenir aux Français en cas de victoire. Et pour rappel, 10 rallyes cette année, 9 fois sur le podium hein, et 6 victoires. Voilà, donc c'est une grosse performance. Il n'a pas, on l'a dit, il n'a pas participé à tous les rallyes hein, puisqu'il en a participé à 10. Et au programme de cette année, il y en avait 15. Hein, donc rendez-vous compte, c'est vraiment une grosse performance en participant à seulement 2/3 des rallyes de pouvoir jouer le titre. Donc c'est ce qui se passera ce week-end. On suivra ça avec attention. Donc rallye d'Arabie Saoudite cette semaine. Voilà pour notre point sport mécanique. C'est parti pour les deux premiers directs. Je rappelle, Reims, Montpellier, c'est de la Ligue 2, 15e journée, 0-0 pour l'instant. Montpellier qui peut se rapprocher du podium en cas de victoire. C'est ce que vont viser les Montpellierains donc ce soir. Voilà, on va suivre bien sûr avec attention cette affiche. Autre rencontre qui vient de démarrer, c'est en Italie entre Sassuolo et Pise. 0-0 le match depuis 3 minutes, coup d'envoi. Et puis un petit peu plus tôt, je vous rappelle que c'est Côme qui s'est imposé face au Torino dans l'autre match de la journée en Serie A. Et puis donc dans un petit peu moins de 15 minutes, nous aurons les coups d'envoi de Manchester United Everton en Angleterre et de Espagnol Barcelone Séville en Espagne. On poursuit donc notre débrief avec du handball et notamment Saran en Pro League qui va mieux hein, ça y est, depuis quelques semaines ça va beaucoup mieux avec des victoires qui s'enchaînent. La dernière c'était bien ce vendredi avec une victoire importante hein, face à Créteil, 42-34 avec la manière en plus, ça fait toujours du bien au moral. Ça va beaucoup mieux, Saran est 8e. Alors c'est pas encore le haut de tableau, mais ça va beaucoup mieux que ça ne l'était. 8e avec 11 points. On rappelle que c'est Cournon d'Auvergne qui domine largement pour l'instant le classement avec 17 points. Caen Ponto Combo ou encore Cherbourg-Sondre à 14 points. Et puis derrière, on tape Pau, Valence, Ivry qui sont juste devant ça. Donc voilà, 3 points de retard sur le podium. Rien de rédhibitoire, il va falloir continuer d'enchaîner les bonnes performances pour Saran qui ira justement à Ponto Combo vendredi soir pour tenter d'enchaîner un nouveau succès qui est troisième. Donc c'est un vrai gros test qui attend Saran sur cette nouvelle journée. Donc en tout cas, ça se passe beaucoup mieux pour nos Saranais en Pro League. En Star League, dans l'élite, eh bien pour l'instant... ça n'a pas bougé en haut. Paris reste leader et toujours à 100% de victoire. 34-31 la victoire face à Montpellier. C'était le choc de cette journée qui aurait pu un petit peu faire tourner un petit peu la saison. Mais Paris a été plus fort. Nantes s'accroche avec 2 points de retard toujours. C'est grâce à son succès face à Aix-en-Provence. Et puis un mot de Chartres battu sur le fil, dommage, face à Dijon à l'extérieur, 29-28. Voilà qui du coup revient 13e. Chartres avec cette défaite, c'est dommage d'un tout petit point, mais voilà, il s'en est fallu de peu, mais c'est finalement Dijon qui s'impose. Nouvelle journée bien sûr cette semaine, mercredi premier match, puis jusqu'à dimanche Paris recevra Chambéry dimanche, puisque Paris jouera cette semaine en Ligue des Champions. Pour Paris, c'est compliqué en Ligue des Champions, 3 victoires, 5 défaites. C'est une saison qui a compliqué en Europe pour nos Parisiens, qui ont été battus par le Barça la semaine passée et qui reste cinquième sur 8. Donc c'est très très loin de ses standards européens, voilà, qui est déjà à 4 points du podium. Donc ça va être une saison compliquée. Bon, il reste beaucoup de matchs, tout peut encore arriver, mais ça va être compliqué pour aller chercher le podium. Nantes, c'est un petit peu mieux, 4 victoires et 4 défaites, qui est quatrième. À 2 points du podium seulement. La dernière rencontre en date, c'était à Bucarest la semaine dernière, défaite sur le fil aussi, 29-28, là aussi c'est dommage. Déplacement à Aalborg cette semaine pour les Nantais face au deuxième, donc là aussi c'est un vrai gros test qui attend nos Nantais. Et puis Paris de son côté recevra Wisla Plock, l'équipe de Wisla Plock qui est troisième. Donc là aussi ça va être un match intéressant pour les Parisiens, et voilà, il faudra gagner pour remonter tranquillement au classement, on l'espère. Et puis chez les filles, ça se passe beaucoup mieux pour Brest, leader, les Brestoises dans leur groupe, une seule petite défaite, mais qui sont en tête de ce classement. Et puis pour Metz, là aussi ça se passe très bien, deuxième place, une seule défaite là aussi, ce classement dominé par Gior dans le groupe A, qui est sur un sans faute, mais Metz s'en sort très bien. Donc voilà, qui s'en sortent vraiment vraiment très bien. Voilà, et puis on a appris aussi ce matin, enfin en tout cas aujourd'hui, la liste des 18 joueuses qui vont participer au mondial, qui aura lieu, on rappelle, dans quelques jours. Voilà, donc notamment, donc pas de surprise, Grazadi, malheureusement blessée, ne figure pas dans cette liste. C'était l'inquiétude qu'on avait, ça s'est confirmé, elle ne sera pas dans la liste puisqu'elle est blessée, donc elle ne pourra pas participer à ce rendez-vous là. Donc ça c'est une première info malheureusement. Mais ce sont 18 joueuses qui sont donc convoquées. On rappelle que les Français sont tenants du titre, débuteront le tournoi vendredi contre la Tunisie, voilà, qui est aux Pays-Bas, on rappelle, qui co-organise la compétition avec l'Allemagne. Donc voilà pour le début de ce programme. Et puis 7 petites nouvelles, 7 novices dans ce mondial qui vont qui vont arriver, qui vont participer à leur premier grand test mondial avec cette nouvelle joueuse. Voilà, donc la France qui s'est bien préparée, qui a remporté un match face au Japon d'ailleurs, c'était hier même 36-22, la victoire face au Japon. Voilà, elles avaient battu aussi l'Angola un petit peu plus tôt dans la semaine, 26-22 vendredi c'était. Donc 10 victoires en 10 matchs cette année pour les Françaises, donc elles sont invaincues. Elles sont en tout cas bien préparées. Après, la réalité du tournoi c'est encore autre chose, il faut gagner les matchs. En tout cas, voilà, c'est parti pour les 18 joueurs, on les connaît, qui vont donc affronter ces équipes-là pour aller chercher donc un pourquoi pas un nouveau titre mondial. Donc Razali, malheureusement, on l'a dit, ce sera forfait. Puis Laura Glauser, elle aussi forfait, hein, gardienne de but, a été opérée mercredi d'une hernie discale, donc elle sera absente malheureusement. Donc voilà, et puis on absence aussi de Stelle Zeminko, Chloé Valentini, Laura Flip qui sont en pause maternité, donc 5 joueuses quand même majeures qui sont absentes. Ben voilà, il va falloir se renouveler pour les Bleus pour aller chercher un nouveau titre, on l'espère. Voilà pour le handball, donc pause chez les femmes et puis chez les hommes, ça se poursuit. Bien sûr, l'Euro aura lieu début janvier, hein, donc un petit peu plus tard dans cette saison. Donc début d'année, on aura rendez-vous avec l'Euro masculin. On poursuit maintenant avec du basket. Là aussi, c'est la trêve qui s'annonce pour donc cette Betclic Elite et cette Elite 2 désormais ex-pro B, avec donc on l'a dit Orléans qui était sur une grosse série, hein, 9 victoires consécutives, une série qui a pris fin malheureusement vendredi à hier Toulon, défaite sur le fil 74-70. Avant ça, il y avait eu un autre match en semaine, match en retard face à Caen, une victoire qui a été pas la plus facile, mais victoire 89-86, hein, il a fallu s'arracher encore et sur cette rencontre, hein, et finalement vous remportez. Puis un super match aussi, hein, peut-être vous y étiez, une rencontre remportée là aussi avec le mental, c'était le week-end précédent face à Vichy Clermont, 82-74. Voilà, vrai gros match, un vrai gros test. Donc là, les Orléanais sont toujours leaders avec malgré cette défaite. 10 victoires et 2 défaites seulement, toujours invaincus à domicile. C'est la dernière équipe invaincue à domicile. Donc une victoire d'avance sur Blois qui est juste derrière. Denain qui est troisième, et puis Vichy aussi qui suit quatrième, et Rouen cinquième. Donc c'est très serré, mais Orléans en tout cas est en tête. Donc là, la trêve, ça y est, s'annonce. Et puis, prochaine rencontre, ce sera donc la semaine prochaine, le 5, donc vendredi 5 décembre. Mais Orléans jouera le 6, samedi 6, à domicile, réception d'Evreux, à Comet. Donc allez-y, si vous y êtes, c'est vraiment un sacré spectacle à voir face à cette équipe d'Evreux qui est 19e. Donc là, c'est vraiment une victoire impérative, hein, pour relancer une série, on l'espère, déjà 9 victoires. C'était déjà énorme. Et donc, voilà, on espère que ça va pouvoir repartir, bien entendu. Et donc là, la trêve arrive puisque donc l'équipe de France va jouer les qualifications mondiales, voilà, cette semaine. Donc ce sera donc cette semaine, ces rencontres, semaine prochaine aussi, pour donc peut-être la qualification prochaine. Donc des Bleus, là, qui vont jouer ces rencontres-là de qualification au Mondial 2027. Hein, voilà, ce sera donc le 28 novembre, donc c'est-à-dire vendredi, rencontre face à la Belgique, et puis la Finlande, ce sera lundi prochain. Ces rencontres-là pour les qualifications. C'est les premiers matchs de qualification au Mondial donc 2027. Un mot très rapide en Betclic Elite. Pour vous dire que pour le moment, dans ce classement de Betclic Elite, eh bien, le temps de retrouver le classement, ça n'a pas bougé. En tout cas, c'est toujours un classement qui est dominé pour l'instant, dans cette rencontre, dans cette championnat de Betclic Elite, par Strasbourg, hein, qui est en tête. L'ASVEL suit, Nanterre, Paris. Voilà, le Monaco un petit peu moins bien, hein, pour l'instant. Dans cette saison, cinquième seulement, mais voilà, qui aussi réalise de grosses performances en Euroleague, donc c'est compliqué, hein, d'enchaîner. Donc est septième, hein, c'est très bien pour Monaco, victoire face à l'ASVEL justement la semaine dernière, c'était la rencontre 100% française. Monaco donc est septième, l'ASVEL de son côté, c'est compliqué, un dernier seulement 3 victoires, hein, et puis pour Paris c'est un petit peu mieux, 15e, mais c'est quand même compliqué pour nos clubs, hormis Monaco, pour cette saison d'Euroleague. Pour l'instant, on a joué 12 matchs, hein, donc on a encore beaucoup de rencontres, mais c'est compliqué quand même pour ces équipes-là. Et puis en NBA, très rapidement, Détroit domine pour l'instant le classement de la conférence Est, Détroit, Toronto, Cleveland, et puis à l'Ouest, Oklahoma City, Denver. Lakers pour l'instant domine le classement dans cette conférence-là. Voilà pour le basket. Un mot de rugby, puisque 15 de France donc s'est imposé, vous l'avez vu peut-être, face à l'Australie, dans donc cette fin de test match d'automne, donc face à l'Australie, une victoire avec pas mal d'autorité cette fois-ci, face à donc 48-33. Avant ça, il y avait une victoire un peu plus étriquée face aux Fidji, 34-21, puis on le rappelle, à la défaite de Nougat face à l'Afrique du Sud. Mais grâce à cette victoire face à l'Australie, les Bleus sont tête de série pour le tirage au sort donc du mondial. Donc ça, c'est c'était vraiment la ce qu'il fallait retenir de ces trois matchs, hein. Donc, tête de série pour le mondial, ça c'était important. Donc voilà, on aura l'occasion de reparler de ça, de ce tirage bien sûr, donc qui aura lieu prochainement, on en reparlera. Et puis donc retour du top 14. Enfin, nouvelle journée de top 14, puisqu'il n'y a pas vraiment eu d'arrêt, hein. Il y a eu quand même une journée ce week-end. À noter que Toulouse a fait remporter son match à Montauban 49-7 et donc est toujours leader. Le aussi gros score, hein, entre pour le Racing, victoire de Bayonne face à Bayonne 47-27. Et puis Pau aussi qui est très bien, victoire à Bordeaux-Bègle. C'était le choc aussi de ce début de semaine, 34-33. Et donc qui a pris la deuxième place devant le Stade Français et devant Toulon. Donc voilà, c'est vraiment serré. Puis Perpignan toujours à la peine, un point seulement. Ils n'ont pas réussi à marquer de point depuis la fois dernière, hein. Défaite 28-0, hein, face à Montpellier ce week-end. Donc c'est très compliqué, un point. Bah voilà, un seul point de bonus. Donc c'est il y a déjà 21 points de retard sur Lyon, 6 sur Montauban qui aussi fait une saison compliquée. Voilà, ça va se jouer entre ces deux-là. Un seul descendra, l'autre jouera les barrages. En tout cas, ça va être très long cette saison pour ces deux clubs-là. Et puis enfin le tennis, pour clôturer avec la victoire de l'Italie en Coupe Davis, qui s'est de nouveau imposée. C'est la troisième fois consécutive, hein, qui a remporté le tournoi face à l'Espagne, en remportant le match 2-0. Hein. D'ailleurs, c'était l'absence, on l'avait dit, hein, de Sinner d'un côté et de Alcaraz de l'autre. Donc c'est d'abord la première rencontre remportée par Matteo Berrettini sur Keanu Busta 6-3, 6-4, et puis ensuite Flavio Coboli qui s'est imposé face donc à Romé Mounard 1-6, 7-6, 7-5. Troisième victoire donc pour l'Italie d'affilée. On rappelle que les Bleus ont été battus dès les quarts de finale par la Belgique, voilà, dans un scénario un peu compliqué pour Corentin Moutet qui menait un 7-0 et qui avait occasion d'aller chercher un tie-break dans le deuxième et qui a un petit peu craqué dans son jeu de service en lâchant un point facile et qui derrière s'est incliné donc en trois manches, hein, de 6, 7-5, 7-5. Et puis Arthur Rinderknecht n'a rien pu faire derrière face à Belge Bergs, battu en deux manches, donc les Bleus battus très tôt dans cette phase finale de Coupe Davis, donc victoire à l'Italie, on le rappelle, face à l'Espagne. Voilà pour cette première partie d'émission. On va marquer une pause et puis donc juste après, on retrouvera Hugo. Alors tout est parti dans les matchs, hein. Il y a déjà un but, trois buts même. Alors un but en Ligue 2, c'est Reims qui a ouvert le score face à Montpellier. Et puis en Italie, déjà deux buts, Sassuolo, Pise, un partout. À l'instant, c'est parti entre Manchester United et Everton et puis entre Espanyol Barcelone et Séville. Voilà la suite de ces matchs dans un instant, et Hugo aussi dans un instant bien sûr. Pour le son, on va continuer de rendre hommage à Jimmy Cliff avec un deuxième titre. On a écouté pour ouvrir tout à l'heure un premier titre, un deuxième tout de suite. Ça va partir dans un instant, donc on retrouvera Hugo pour le foot. Donc beaucoup de choses, je vous le disais, hein, encore ce soir à débriefer, tout ce qui s'est passé à l'étranger, la Ligue 1, voilà, ça, il s'est passé pas mal de choses aussi. Et puis bah évidemment, on va revenir sur la journée de Ligue des Champions et les journées de Coupe d'Europe cette semaine qui vont nous intéresser. Donc voilà, plein de choses encore. Donc Hugo pour nous en parler justement, et c'est après donc Jimmy Cliff et Wagonite bien sûr que l'on écoute tout de suite pour rendre hommage donc au Jamaïcain décédé ce matin. À tout de suite sur un concert, 21h passé de 3 minutes. Yeah, On continue de rendre hommage à Jimmy Cliff avec Wagonite à l'instant, puis bien sûr on aura un dernier titre pour clôturer tout à l'heure. Mais pour l'heure, il est temps de retrouver Hugo pour notre grande page football, un tout petit peu en retard, mais bon, ça va se faire. Bonsoir Hugo, salut Hugo. Salut les amis, bonsoir à toutes et à tous. Oh, quel lancement. Énorme ou pas? C'est, on se serait cru, je sais même pas où d'ailleurs, mais ouais. Beaucoup d'entre eux en tout cas. Ouais, bah oui, en forme, hein. Encore une belle semaine qui revient après une trêve internationale, donc ça fait du bien de retrouver un petit peu la Coupe d'Europe aussi, qui a commencé demain. Oui, puis il y a des belles affiches, on va bien sûr en parler tout à l'heure. Les directs ce soir aussi, hein, c'est parti partout. D'ailleurs, tu nous suis peut-être United d'Everton. Exactement. Ben voilà. J'ai hésité entre la Ligue 2 avec Reims, mais bon, je me suis un petit United, ça fait longtemps que je ne les ai pas vu jouer, donc en direct tout du moins, donc j'ai choisi cette affiche-là. Très bien, donc on aura Reims-Montpellier, on gardera ça en fil rouge, et Espagnol-Barcelone-Séville, et donc où il y a 0-0, et puis Sassuolo-Pise, où il y a un partout déjà. Ça a été très vite. On va sans plus attendre, parce qu'on n'est pas en avance, notre tour d'Europe, hein, de ce qui s'est passé un petit peu partout, en tout cas dans les quatre grands championnats. Puis on terminera par la Ligue 1, bien sûr. L'Allemagne, pour démarrer avec notre 11e journée, on va démarrer avec le Bayern, hein, qui démarrait samedi par un carton face à Fribourg. Voilà, qui n'a laissé aucune chance à Fribourg, avec une nouvelle victoire, et cette fois 6-2. Ouais, peut-être pas être très original et commencer par évoquer notre Frenchie quand même, Michael Olise, qui est impliqué sur ce match-là, sur 5 des 6 buts du Bayern, avec 2 buts et 3 passes dé. Voilà, il a été vraiment énorme ce week-end. Tout était trop facile pour lui, sa conduite de balle, son toucher de balle, sa vision du jeu, son sens du but, sa précision. Et puis même quand il se montre nonchalant et sans forcer, hein, je parle du seul but où il n'est pas réellement impliqué, le quatrième, et ben c'est lui qui est quand même à l'origine de la récupération du ballon. Et il va réussir à protéger son ballon avec une nonchalance un peu insolente en mettant juste son bras en opposition à l'adversaire. Et puis il va marcher tranquillement avec le ballon pour ensuite faire une passe en retrait. Et ça va amener le but d'Harry Kane par la suite. Voilà, ça c'était pour le petit aparté Olivier qui revient bien parce que il est bon depuis le début de saison, mais il était un petit peu en deçà quand même, voilà, de Luis Diaz qui fait vraiment un gros début de saison, d'Harry Kane évidemment qui est énorme, qui est dans la forme de sa vie, mais Olivier était un poil en dessous là, il a vraiment fait une vraie performance XXL. Voilà, pour revenir quelques instants chronologiquement sur le match, bah ouais, Bayern qui restait donc sur 17 matchs, toutes compétitions confondues, sans défaite, invaincu donc, et qui va pour la première fois de la saison être mené à domicile, 1-0 sur corner à la 12e, où je trouve notamment que Stanisic est fautif, puisqu'il est devant Yuto Suzuki sur la frappe, hein. Sur la frappe de ce dernier qui va marquer, voilà, Stanisic qui va se retourner pour se protéger, ce qui est une erreur je pense, parce que il aurait pu davantage gêner le japonais. Et sur le 2-0, toujours sur corner, à la 18e, but de la tête de Manzambi, hein, donc pour Fribourg. Et Neuer, là, ouais, clairement fautif, il rate ses sorties et il s'est lobé facilement par cette tête. Donc voilà, il aura fallu une bonne vingtaine de minutes pour que le Bayern entre dans ce match, mais ensuite ça déroule et ça montre une nouvelle fois la supériorité de cette équipe. Je vais pas revenir pour ce match sur tous les buts, mais petite mention spéciale aussi pour le but de Pamecano, aussi notre autre français, qui va faire un excellent mouvement sans ballon à la 55e dans la surface de Fribourg sur corner, et ça va lui permettre de se retrouver tout seul au second poteau et de déposer tranquillement le ballon d'une reprise du plat du pied au fond des filets, et ça fera à ce moment-là le 3-2 pour le Bayern. Donc je l'ai dit, un Bayern XXL qui, on l'a vu quand même sur ces deux buts pris en début de match, hein, et ils sont quand même friables, les manques de concentration sur coup de pied arrêté, notamment sur corner. Donc c'est voilà, ça c'est vraiment les petites choses négatives qui peuvent être importantes quand même, même si pour l'instant ils sont encore invaincus cette saison, mais voilà, c'est sur ce plan-là que le Bayern de Kompany et que Vincent Kompany doit taffer, je pense, voilà, au-delà de l'animation offensive, c'est que voilà, défensivement, ça peut manquer de concentration comme ça, même si évidemment avec cette équipe de monstres, notamment devant et même au milieu de terrain, même les petits jeunes, tout ça, du club, franchement, ça reste énorme. Donc je l'ai dit, un Bayern XXL, voilà, qui s'impose 6-2. Je vais dire je vais conclure avec la bonne vieille phrase du mec bien lourd au bistrot, 6-2. Je sais pas, match, ouais. C'est ça. voilà, donc le Bayern en tête, toujours évidemment invaincu, ouais. Tu l'as dit, et qui en plus, pas différence de but incroyable, en plus 33 après seulement 11 journées, hein, c'est fort. Enfin, c'est énorme, ouais. Par rapport en plus au poursuivant aussi, c'est vraiment au-dessus. Match suivant, du spectacle dans cette rencontre, mais pas de vainqueur entre Dortmund et Stuttgart, 3 buts partout. Bah voilà, c'est ça, Dortmund qui est un petit peu freiné, mais ça permet à Stuttgart de rester au contact. Ouais, début de match un peu sur un faux rythme quand même, où Stuttgart va se procurer l'action la plus dangereuse autour du quart d'heure de jeu, hein, je crois. Dortmund peut essayer d'en avoir une à ce moment-là, vers la 20e. Et c'est au moment où le BVB va commencer à sortir la tête de l'eau, justement, qu'ils vont obtenir un penalty qui va être transformé par le capitaine Emre Can, hein, qui était de retour pour seulement du coup sa deuxième titularisation cette saison. Maximilian Bayer va accentuer l'écart, hein, quelques minutes plus tard, avant la pause, après que le gardien ait repoussé le ballon sur une frappe de Guirassy à la 41e. Réaction juste après la mi-temps, hein, d'un petit geste génial d'Undav, l'international allemand pour Stuttgart. Ça fait 2-1, le match est relancé, hein, donc juste après la pause, mais Dortmund va vite reprendre son écart de 2 buts grâce à Guirassy, bien lancé, qui va gagner son duel face au gardien. Ça fait 3-1. Enfin, ça aurait dû faire 3-1, puisque c'est ce qu'on croyait avant que la VAR intervienne pour refuser le but, hein, puisque Guirassy était bien en jeu sur cette action. C'est dommage pour lui. Mais Dortmund qui est quand même mieux, et Chukwuemeka va trouver la barre, hein, juste après l'heure de jeu aussi. On sent vraiment un Dortmund qui a vraiment bien repris après avoir encaissé ce but au tout début de seconde période. Et c'est bien Stuttgart au final qui va égaliser avec le doublé d'Undav à la 71e. Adeyemi va ensuite marquer le 3-2 pour Dortmund, et il va exulter sa rage et sa joie, hein, sur son but, justement, lui qui avait récemment fait l'objet d'affaires un petit peu extra-sportives, et voilà, il pourra donner la victoire à son équipe à ce moment-là, en ayant bien combiné à deux avec Bayer sur cette action-là. Mais Denis Undav, encore lui, bourreau du Borussia, va inscrire un triplé et égaliser dans les premières secondes du temps additionnel. Donc voilà, Dortmund avec ce mauvais résultat, hein, quand même, hein, c'est un match, effectivement, tu l'as dit, avec beaucoup de spectacles, 3-3, 6 buts, mais voilà, Dortmund qui reste englué à la quatrième place, à 9 points du Bayern, à leader, on le disait. Et donc toujours à égalité de points avec ce même Stuttgart qui est juste derrière, qui est cinquième. Oui, tout à fait. C'est bah, le Bayer Leverkusen qui en profite du coup, parce qui était cinquième et qui passe troisième grâce à son succès. Alors, je me permets de te couper juste. Alors, j'ai pas vu l'action parce que j'étais en train voilà, de lire mes notes, mais carton rouge pour Everton, hein, carton rouge pour Idrissa Gueye. Voilà, donc Everton qui est déjà réduit à 10 là dès la 14e minute. Ouais, j'ai pas bien vu, il a ralenti, mais je crois qu'il a dû mettre un coup. Ah, ça se complique pour Everton. Hein. Ouais. Oui, j'ai pas. Ah, d'accord, Gueye qui est en train de s'embrouiller, qui est pas qui s'embrouille avec son défenseur, avec. Ah oui. Ah oui, il s'embrouille complètement avec le défenseur. Comment s'appelle ce défenseur-là? Mince. J'ai plus son nom. Comme la fiche du match, mais. Ah oui, c'est vraiment embrouillé avec le, avec son propre joueur, en fait, son propre coéquipier. Parce que c'est Pickford, hein, le gardien d'Everton, qui a carrément été obligé de les séparer. Alors... On voit même Illiman Ndiaye après qui les sépare aussi, mais. On a déjà vu des matchs où les deux prenaient des rouges. Donc là, il y a que lui, mais. Ouais. Avec Michael Keane, voilà. J'avais oublié son nom. Alors, je sais pas si c'est pour ça qu'il a pris un rouge ou s'il y a un truc juste avant, honnêtement. Parce que du coup, j'ai pas trop les commentaires avec, mais bon, on va suivre ça. Mais donc, ouais, Burton, bah, qui est déjà handicapé. Donc là, juste avant le quart d'heure de jeu, à 10 contre 11, voilà, pour tout le reste du match face au Red Devils. Ouais, je te laisse reprendre, du coup, sur cette Bundes. Je disais oui, c'est le Bayer Leverkusen qui en profite, hein, du coup, qui repasse devant ces deux clubs-là grâce à son succès. Bah, juste après, hein, quelques minutes plus tard, du côté de Wolfsburg, victoire 3-1. Et du coup, bah, très belle opération pour le Bayer sur cette journée. Ouais, même si le Bayer a plutôt joué en contre, hein, sur ce match-là, avec une défense à 5, Wolfsburg a été dangereux mais n'aura pas été assez clinique. Hein. On le voit notamment, c'est assez impressionnant, si j'ose dire, au niveau des stats. Hein, c'est quand même 21 tirs à 7 hein, pour Wolfsburg. Et c'est quand même Wolfsburg qui perd 3 hein, à la fin. Donc, seulement 3 tirs cadrés pour Leverkusen pour 3 buts. Ouais, vraiment, vraiment, ouais, chirurgical, ce Bayer Leverkusen. Donc, ouais, c'est, bah, tu l'as dit, c'est quand même une très bonne opération pour Leverkusen. Donc, qui repasse devant, enfin, Dortmund et qui est troisième, effectivement. Une victoire très importante pour eux et Wolfsburg, voilà, qui reste très en danger par rapport à la zone rouge aussi. Ils sont qu'à un point devant la 16e place, donc ça reste compliqué aussi pour cette équipe-là en Bundes pour l'instant en ce début de saison. Et puis bah, enfin, hier, c'est Leipzig qui a eu la bonne idée de gagner pour rester deuxième et essayer de suivre comme il peut hein, le Bayern avec une victoire 2-0 qui satisfera cette deuxième place. Ouais, exactement, match assez ouvert, mais tu l'as dit, ouais, Leipzig qui a fait le taf en seconde période, il a quand même fallu attendre un peu après l'heure de jeu pour que Ouédraogo puisse ouvrir le score pour Leipzig. Mais ouais, Leipzig qui est vraiment dans une bonne forme, et tu l'as dit, dauphin du Bayern, alors 6 points déjà quand même d'écart. Et puis même on l'évoquait là en préambule de cette page allemande, Leipzig, c'est que plus 9 hein, en goal average par rapport au leader bavarois, c'est énorme, hein, plus 33, plus 9, c'est vrai que c'est. C'est peu, mais Leipzig qui est relativement dans une dynamique intéressante et il continue avec un clean sheet qui plus est, donc c'est important. C'est une très belle opération encore pour Leipzig. Très bien. Bah écoute, c'est pas mal déjà pour l'Allemagne. Bah on va donner le classement, bien sûr. Tu l'as dit, bah le Bayern est en tête, Leipzig deuxième. Leverkusen, on l'a dit, repasse troisième grâce à ses succès et cette journée. Dortmund, Stuttgart, tu l'as dit, 22. Et puis en bas, alors à noter, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais un match aussi spectaculaire entre Cologne et Francfort. C'est Francfort qui va s'imposer 4-3, du spectacle aussi, et ça permet à Francfort de revenir 6e avec 20 points. Donc ça grappille tranquillement Francfort hein, pour revenir 6e avant de jouer cette semaine en Ligue des Champions. Donc voilà, et c'est un bon en avant. Et puis en bas, Sankt Pauli, Mayence et Eindhoven. Toujours relégable. Voilà pour donc cette journée en Bundesliga. La coupe sera la semaine prochaine. Il y aura d'ailleurs un très bon Dortmund Leverkusen la semaine prochaine en huitième de finale de la Coupe d'Italie. Mais avant ça, il y aura une journée de la Coupe d'Italie. Oui, il joue la Coupe d'Italie. C'est nouveau. C'est très bon pour en géographie en tout cas. Il mixe. C'est nouveau. On mixe un petit peu les coupes. C'est quand ça, tu m'as dit, la coupe La semaine prochaine. On est quand lundi Mardi prochain. Parce qu'il y a les Leverkusen Dortmund samedi là, en championnat. Eh ben, ils vont se jouer deux fois de suite alors. Ouais, voilà. C'est intéressant cette double confrontation là. Et ouais, donc ce sera samedi soir, t'as raison, 18h30, là ce sera à Leverkusen alors que ce sera à Dortmund en coupe. Donc voilà, ils vont se jouer deux fois de suite effectivement, mais en tout cas côté championnat, c'est un vrai match important parce que un point seulement sépare les deux, donc ça va être match à suivre samedi à 18h30. Et puis qu'est-ce qu'on peut se dire? Ouais, il y a pas grand-chose d'autre hein, le Bayern reçoit 5 points. Leipzig va à Blönchengladbach mais qui est aussi un peu moins bien classé. Donc il y a pas d'autres gros matchs à suivre hormis vraiment ce Dortmund, ce Leverkusen Dortmund. Hein. Ouais, puis ça va être une confrontation vraiment importante pour Dortmund là pour ne pas finir largué. Ouais. Effectivement, faut pas perdre ce match, c'est sûr. Alors à noter qu'avant ça, Leverkusen se déplacera à City demain. Donc ouais. gros choc. Enfin là, trois gros matchs en une semaine pour eux et pour du côté donc de Dortmund cette semaine. C'est Villarreal. Villarreal, pardon. Réception de Villarreal, ouais. Donc l'Inter c'est l'Atlético, il me semble. Oui, je crois que c'est ça. Ok, très bien. On va poursuivre. Il n'y a pas eu de but pendant de toute façon, tu nous tiens informé pour bien sûr pour l'Angleterre, mais en Espagne, en Italie et en Ligue 2, il n'y a pas eu de but. L'Espagne, maintenant. Non, l'Italie avant. On va poursuivre avec l'Italie avec la 12e journée. 12e journée, ça a démarré avec la Juve, notamment, qui se déplaçait à la Fiorentina. Deuxième match nul de suite en Serie A pour la Juve. Alors est-ce qu'ils vont relancer leur série de matchs nuls comme l'an dernier? On va voir. En tout cas, c'est un nul là, qui freine encore une fois la Juve hein, qui reste septième. C'est déjà loin avec 5 points de retard sur le podium et puis 7 sur le leader. On verra que ça a un peu bougé en haut. C'est vrai que depuis qu'on est on est parvenu. En tout cas pour cette rencontre, ça a été long à se mettre en place pour la Juve qui a quand même globalement dominé dans la possession cette rencontre et aussi dans les occasions, mais ça a été long à se mettre en place. L'ouverture de score, elle arrive très tard hein, juste avant la pause dans le temps initial, 45+6. C'est Kostic qui va donner l'avantage à la Juve qui pensait avoir fait le plus dur, et puis derrière la Fiorentina qui va égaliser tout de suite au retour des vestiaires à la 48e Mandragora. Et puis la Fiorentina en fin de match qui a quand même plusieurs occasions d'aller chercher d'arracher la victoire, le gardien de la Juve Di Gregorio qui va réussir à repousser ses tirs, et donc finalement ça on reste sur ce match nul qui arrange pas la Juve, qui arrange pas la Fio non plus hein, qui reste 19e hein, qui fait vraiment un début de saison catastrophe hein. Toujours aucune victoire au compteur et six nuls. Donc c'est très très compliqué, mais pour la Juve c'est vraiment deux points de perdu hein, face à une équipe vraiment mal classée. Il fallait gagner et ils n'ont pas réussi à le faire, loin de là. Ils auraient même pu encaisser un deuxième but. Donc la Juve freinée, qui retourne peut-être dans une phase un petit peu moins bien et qui déplacera demain pour la Ligue des Champions, sera à Bodo Glimt. Peut-être l'occasion de se rassurer, de prendre de la confiance avant. Là, je suis pas certain hein. Là-bas ça va. On l'a vu pour Monaco, ça a été très compliqué hein, ouais. D'aller jouer là-bas, ouais. Et avant donc de recevoir Cagliari en championnat ce week-end, donc pour la Juve une petite série compliquée, il va falloir se remobiliser, mais on perd encore deux points importants au classement. On se rappelle de la série incroyable de nul, tu le disais la saison dernière, oui. De la Juve, mais il y a déjà eu un petit peu ce phénomène-là, on se rappelle en début de saison-là, où je te parle TCC, hein, toute compétition confondue, même en comptant la C1, mais il y avait eu 5 matchs nuls d'affilée, hein, contre Dortmund, Vérone, l'Atalanta, Villarreal et puis Milan, oui. Et puis ça va enchaîner avec 3 défaites d'affilée ensuite, hein, donc ça faisait 8 matchs sans victoire, on s'en rappelle à ce moment-là, de mi-septembre à fin octobre, où c'était déjà une passe vraiment compliquée pour eux. Ils sont revenus avec 2 victoires après en championnat contre Udinese et Cremonese. Et là, ils renchaînent, oui, c'est là sur une série de 3 nuls d'affilée. Et le Sporting, oui. Avec le Sporting, puis Torino, puis donc la Fio, là, on le disait. Donc c'est un début de saison J'allais dire moyen, mais plus que moyen pour la Juve quand même. C'est ah oui, 2 victoires sur 13 matchs, les 13 derniers matchs, et... ouais, c'est mauvais même. Pour un... C'est même mauvais. Pour un club de cette envergure-là, c'est mauvais. Clairement. Samedi toujours, le Napoli qui recevait Bergame. Bah, là, c'était l'occasion de pour Naples de rester sur le podium. C'est vrai que c'est un petit peu bougé, on le verra avec la Roma qui est leader désormais. Pour Naples, voilà, il fallait gagner. Bah, sauf ce fait pour Naples, victoire 3-1 plus avec la manière, en tout cas dans le score, ça n'a pas été le cas forcément dans les stats, hein, puisque c'est Bergame qui a eu un peu plus le ballon et qui a plus tenté, en tout cas avec moins de réussite, hein, puisqu'il y a eu seulement 3 tirs cadrés, hein, pour 14 tirs. Ça a été un petit peu mieux du côté de Naples sur le tir cadré, mais globalement c'est quand même Bergame qui a eu des occasions, qui a eu plus d'occasions. Mais Naples qui a fait mouche pratiquement à chaque fois. Enfin, j'exagère, mais en tout cas 3 buts sur 6 tirs cadrés, donc c'est quand même il y a quand même du réalisme pour Naples. Ça a démarré assez vite dans le premier quart d'heure avec Neres qui va ouvrir la marque. Et puis qui va doubler la mise même un petit peu avant la pause, donc finalement assez tôt à l'abri, même avant la mi-temps, un troisième but pour Naples, donc qui s'est mis à l'abri 3-0 à la pause. Et puis je le disais, comme je le disais, Atalanta au retour des vestiaires qui a été un petit peu mieux et qui va réduire l'écart. On va penser une remontada, ça s'est soldé par un 3-1 qui enchaîne en plus un 8e match sans victoire. Bergame, là, c'est vraiment pas le Bergame qu'on a connu l'année passée. En championnat, malheureusement. Ouais. Ils avaient gagné contre l'OM, on s'en rappelle. Oui, on le dit champion, oui. Mais en tout cas, en championnat, c'est une 13e place seulement, donc c'est vraiment pas le Bergame que l'on a connu par le passé. Mais voilà, le Naples qui en a profité, hein, de cette ce manque de réalisme de Bergame pour aller s'imposer de nouveau et du coup rester 3e au classement. Voilà, c'est relativement serré, Naples qui fait le job en tout cas, et qui du coup pour le compte de la Ligue des Champions ira recevoir le Karabag cette semaine, demain, donc voilà, ce sera à domicile en plus, donc c'est plutôt intéressant pour eux ce qui va se passer. Et puis pour Bergame, déplacement à Francfort. Voilà, on parlait de l'Allemagne tout à l'heure. Bah, Francfort, ce sera la rencontre de mercredi pour Bergame, qui est pas si mal que ça, paradoxalement, en Ligue des Champions, c'est vrai. Hein. Ouais, pardon, parce que j'étais de nouveau devant United Everton et on voyait le ralenti, effectivement, de la brouille entre Kim et Gay. Et ouais, Gay qui a mis comme une gifle, en fait. Ah oui, d'accord. Bon, ben ils ont reproché d'avoir mal défendu, en gros, puis ça a fini en gifle, enfin, tête contre tête, puis en gifle, donc ça a fini comme ça. Du coup, pardon, comment disais-tu ? Ouais, merci. Je disais, ouais, ce qui est assez paradoxal, c'est même une dichotomie, c'est que Bergame. Elle est belle celle-là. Fallait la placer. C'est que Bergame, au championnat, n'est pas bien. Bon compte triple, là, quand même. Oui, exactement. Mais qui est plutôt pas... J'ai pas envie de te laisser finir ta phrase, en fait. Qui est plutôt pas très mal en Ligue des Champions, et c'est assez paradoxal, du coup. Voilà. J'ai fini. Merci de votre intervention, en tout cas. Bah oui, enfin bon, en étant objectif, mais bon, la victoire face à l'OM, je dis pas que c'est pas mérité, parce que voilà, il y a eu les circonstances, mais je veux dire, ça aurait pas été déconnant que ce soit un match nul au moins, ou une défaite pour l'Atalanta, mais bon, ils ont le mérite de partir avec les 3 points. Bon, ils avaient pris 4-0, on se rappelle un peu la première journée à Paris. Bon, c'est le champion d'Europe. Après, oui, c'est vrai qu'ils ont quand même le mérite, au-delà de cette défaite-là, de ne pas avoir perdu en Ligue des Champions. Ils ont gagné 2-1 contre Bruges. Hein. Bruges, on le sait, en tout cas depuis le début de saison, Bruges, c'est très costaud. Puis il y a eu quand même un 0-0 contre Slavia Prague. Là, on peut quand même parler aussi peut-être de contre-performance, alors vis-à-vis de leur performance en championnat, plus ou moins, mais bon, c'est certes en Ligue des Champions, pour l'instant, 4 matchs, ils s'en sortent bien. Je sais pas contre qui ils jouent là cette semaine, l'Atalanta. Francfort, ils vont à Francfort. Francfort, ouais. Ça va être un match intéressant. Mais ouais, on va voir justement ce que ça va donner encore. Oui, ça va. Pour l'instant, en Ligue des Champions, ils s'en sortent plutôt pas mal. Mais c'est vrai qu'en championnat, là, c'est très compliqué, ouais, ce début de saison. Et on n'est plus habitué de les voir dans ce ventre mou du classement-là. Et c'est un peu une juve. Hein. C'est 7 matchs nuls, quand même, l'Atalanta, en championnat aussi. Hein, donc, oui, exactement. plus un en Ligue des Champions aussi. Donc c'est un peu une équipe un peu comme ça aussi. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. On continue avec ce débrief de la Serie A avec la Roma, l'AS Rome qui va rester leader à l'issue de cette journée, qui va même passer leader à l'issue de cette journée, parce que c'est l'Inter qui est le grand perdant de cette journée, avec une victoire à l'extérieur à Cremonese 3-1, score qui reflète pas forcément la fin du match, parce qu'une rencontre qui était très équilibrée, hein. La différence, ça a été sur le réalisme, hein, de la Roma, qui a là aussi un petit peu à l'image du match précédent, a marqué 50% de ses tirs cadrés. Donc c'est le réalisme qui a fait la différence. Cremonese, ça a été l'inverse. On a eu pas mal de parades aussi du côté de Svilar, le gardien serbe de l'AS Rome, qui a permis à la Roma de rester quasiment jusqu'au bout, hein, parce que la réduction de l'écart arrive à la 93e, hein, donc voilà, il a repoussé la chance le plus tard possible. Mais avant ça, la Roma qui avait marqué 3 fois, hein, très rapidement dès le premier quart d'heure, c'est Soule qui va marquer ce premier but pour lancer un petit peu le match, et puis il a fallu attendre l'heure de jeu pour voir de nouveaux buts, pour vraiment clôturer cette victoire de la Roma, hein, 64 et 69, qui a bénéficié de ce réalisme, et puis surtout du manque de réalisme, hein, de Cremonese qui va s'incliner finalement assez lourdement, hein, en fonction de la fin de demi-match, et c'est un peu lourd quand même cette défaite 3-1, et qui va rester en plus 11e, hein, c'est qui est un petit peu englué dans le ventre mou, mais pour la AS Rome, ça permet d'aller chercher cette place de leader, qui passe leader avec 2 points d'avance en plus sur 6 poursuivants. Donc très très belle opération de cette journée pour l'AS Rome, qui s'impose à Cremonese et cette semaine recevra Midtjylland. C'est en Ligue Europa face au club danois. Donc pour l'AS Rome, c'est une saison qui peut être intéressante, avec en plus des matchs un petit peu moins compliqués en Ligue Europa, ça peut faire quelque chose. Ouais, j'en profite juste de reprendre la parole pour vous annoncer l'ouverture du score d'Everton, finalement, à 10-11. Ah. But, ouais, de Dewsbury Hall qui va repiquer, enfin qui va, avec un défenseur mancunien, avoir le compte favorable, et il va repiquer à entrée de surface au centre un petit peu, puis mettre une superbe frappe pleine lucarne, hein. Franchement, c'est une très belle frappe. Et ça fait 1-0 pour Everton. Alors j'allais dire contre le cours du jeu, mais pas du tout, parce que c'est vrai que même depuis le rouge, Everton a globalement le ballon. Alors United, a eu quelques occasions également, mais Everton, pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'ils sont à 10, donc c'est un but quand même mérité. Donc pour l'instant, ça fait 1-0 pour Everton. Là, on joue la 31e. Donc voilà, très très belle ouverture du score d'Everton. Et la Roma, ouais, j'attends de voir, moi, quand même, sur la durée, ce que ça peut donner. Honnêtement, c'est plutôt une belle équipe, mais là tu as dit, ils ont quand même un peu galéré face à Cremonese quand même. C'est quand même déjà 3 défaites aussi, la Roma en championnat. Alors pour l'instant, ça suffit pour être devant, parce que à côté, ils ont 9 victoires et aucun nul par rapport à Milan, par exemple, poursuivant. Mais j'attends de voir si ils ont l'effectif quand même taillé pour marcher comme ça, pour fonctionner sur la durée. Après oui, pour l'instant, c'est quand même intéressant de les voir à ce niveau-là comme ça, mais je les vois pas réussir à tenir, à être endurant face à quand même des interistes, des Milanais, même des Napolitains. Donc je leur souhaite, j'ai rencontré eux, mais je veux dire, mais c'est intéressant de les voir à cette place-là, à cette époque-là, mais j'ai du mal à les voir tenir la cadence. En tout cas, c'est bien mieux que la saison passée, hein. Ça c'est sûr, très clairement. Ça c'était pas compliqué. Ouais. Non. Et enfin, le derby milanais qui avait lieu hier soir. Le Milan qui fait un petit peu le hold-up, hein, avec cette victoire 1-0. Autant l'Inter a dominé à tout point de vue, hein, à la possession, à le nombre d'occasions, le tir, enfin tout était vraiment en faveur de l'Inter. Deux poteaux aussi, hein, c'était vraiment du 100% pour l'Inter dans les occasions. Ah oui. Non, j'allais dire, parce que tu disais en faveur de l'Inter, oui, mais enfin voilà, les choses ont tourné en faveur du Milan. Ouais. Et c'est Pulisic qui va ouvrir le score un petit peu avant l'heure de jeu, et surtout l'Inter qui peut en vouloir à Mike Maignan, et le Milan qui peut dire merci à Mike Maignan après de nombreuses parades. Un penalty repoussé aussi, hein, dans le dernier quart d'heure de jeu. Donc voilà, un Maignan qui a été énorme et qui a grandement aider le Milan à s'imposer Donc 6 arrêts hein, quand même. Hein, c'est puis 6 grosses parades dont le penalty. Donc enfin, c'était vraiment du grand Maignan qui a permis à Milan de s'imposer. Bah, l'Inter qui peut même pas s'en vouloir. Hein, ils ont fait le match qu'il fallait. Hein. Vraiment, quand on regarde les stats, c'est difficile de faire mieux. Peut-être de cadrer un peu plus, mais 6 tirs cadrés, 6 arrêts de Maignan. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Tu peux pas faire beaucoup mieux. Plus de poteaux, tu l'as dit en plus. Plus de poteaux, c'est la chance n'a pas été de leur côté et ça tant mieux pour le Milan qui en plus repasse devant son adversaire du jour qui lui perd 3 places, hein, qui était leader à l'Inter, qui perd 3 places, ça fait beaucoup. C'est relativement serré, hein, mais voilà, c'est un match qui a tourné du côté du Milan, donc très belle opération pour cette équipe-là ce week-end. Le classement, on en a parlé, hein, la Roma est leader avec 27 points, le Milan et Naples 25, l'Inter du coup passe 4ème avec 24 points, tout comme Bologne. C'est vrai qu'on peut en parler 2 minutes de cette équipe de Bologne qui s'est imposée en début de journée vendredi 3-0, qui a fait une très belle saison. 3-0, Udinese. Donc très beau début de saison qui est cinquième. Hein, dans la continuité de l'année dernière aussi, hein, ça travaille bien. Ouais, ça travaille très bien. C'est bien ce qu'ils font et en plus ils sont aussi engagés en Ligue Europa, donc ça suit quand même. Face à Salzbourg cette semaine. Donc ils arrivent à enchaîner les plusieurs rencontres dans la semaine et pour l'instant ça se passe bien. Alors après, tu l'as dit, c'est comme la Roma, comment ça va se passer sur la durée, il faudra voir, mais pour l'instant c'est un début de saison qui est intéressant. La Juve 7ème, hein, 20 points, et qui perd gros sur cette journée-là et qui a déjà 5 points de retard sur le podium. Et puis en bas, Genoa, Fiorentina, on l'a dit, hein, qui a à peine toujours aucune victoire au compteur, tout comme Hellas Vérone, là aussi 6 points à la dernière place. Avant de voir ce qui va se passer en Espagne, le programme du week-end, la semaine prochaine aussi Coupe d'Italie. Hein. Il y a pas de grosse, si, hein, Lazio Milan. Voilà, Lazio, c'est un petit peu moins bien. Ouais, surtout AS Roma Naples quand même ce week-end. Oui, surtout AS Roma Naples en championnat, ce sera quand? T'étais dans la coupe, toi, c'est pour ça? Oui, je parlais de. Attends, t'étais en coupe, toi? Oui, non, mais sinon, oui, t'as raison. Parce que c'est Milan. Pourquoi j'ai cru que tu parlais de championnat? Parce qu'il y a Milan Lazio en championnat ce week-end. Ok. Donc c'est quoi? Tu m'as dit Lazio Milan, il y a aussi en coupe. Oui, ce sera jeudi prochain. Ça fait comme les Leverkusen Dortmund en fait. Et ça, du coup là c'est la coupe d'Allemagne ou c'est la coupe d'Angleterre, non? Là c'est la coupe de Belgique. Ah c'est ça. En Belgique. Hein. Voilà, il me semblait bien. Ah oui, ça c'est marrant. Bon écoute, c'est pourquoi pas, ça arrive, hein, c'est le hasard. Mais donc ça arrive, mais c'est un peu rare. Mais surtout deux fois là. Enfin, je veux dire, en Allemagne c'est le cas avec Leverkusen Dortmund, et là avec Milan Lazio. Donc On verra peut-être en Espagne aussi. Hein, on va regarder. C'est samedi soir, Milan Lazio. Et puis surtout, oui, tu l'as dit. Donc là, on est en championnat. Hein. On le reprécise. Oui. Parce que là sera Lazio Milan pour la coupe. Et là, c'est pareil, c'est pas le même ordre. Et puis tu l'as dit, surtout, c'est ce Rome Naples qui nous intéresse dimanche soir. Bien sûr, premier contre le troisième. Ouais. Gros choc à suivre. Bah, ça va être un gros test aussi pour la Roma. On va voir comment ça se situe. Justement. C'est vrai. Et puis pour Naples aussi quand même. C'est de l'équipe qui tient à 2 points. Donc ouais, c'est vraiment the match du week-end. Alors, parce que je sais pas si pour l'instant la Roma, j'ai pas trop regardé, mais affronter des gros calibres en championnat. Ils avaient perdu à Milan. Ils ont perdu à Milan début novembre. Voilà, mais après ils ont pas affronté ni Naples ni Naples, c'est normal. Ils ont joué l'Inter, ils ont perdu contre l'Inter quand même. Hein. Oui, 1-0. 1-0 à chaque fois. Ouais. Donc, Et puis, ouais, voilà, c'est globalement. Ils avaient joué Rome. C'est Rome, justement. Ils avaient joué Bologne. Ils ont joué Bologne aussi. Ils ont joué contre la Lazio Rome. Par contre, ils avaient gagné dans le derby. Mais ils ont aussi gagné contre Bologne. Hein. Bologne, on le disait, qui tombe bien quand même aussi encore cette année. 1-0, hein. C'est pas une équipe qui marque énormément, hein, la Roma. Pas beaucoup de buts, hein. Ouais. C'est toujours un ou deux buts max, hein. Il y a pas plus. Sauf ce week-end. C'est la première fois, mais ouais. Ah, c'est vrai que je l'avais pas remarqué. Merci de nous bien faire remarquer. Ah non, c'est vrai que c'est intéressant aussi pour ça. Ouais, c'est pas une équipe. Pas une grande équipe offensive, quoi. Non. Mais oui, mais enfin finalement c'est aussi une équipe qui défend parce qu'ils ont plus 9 comme le Milan, comme Naples. C'est que ça défend bien. Ils prennent pas trop de buts. Hein. C'est pas une équipe qui prend beaucoup de buts. C'est pareil, c'est un ou deux buts max. Hein. Ils ont jamais perdu. Sinon ils perdront à chaque fois, quoi. Sinon. oui, c'est ça. C'est purement mathématique. Hein, c'est bien foutu, hein, t'as vu. Non mais oui, à l'inverse, c'est que ça défend bien aussi. Hein. Donc voilà, pourquoi ils sont premiers aussi ce soir. Merci à tous. On va se quitter là-dessus. Oh la vache, c'est affreux. Oh l'expertise là. Elle était belle, celle-là. Elle était folle. Mi-temps, on l'a dit, hein, en Espagne, en Ligue 2 et en Serie A. Et puis bientôt la mi-temps, oui, en Angleterre, en Espagne. Dans 5 minutes. T'es très bon géographiquement ce soir, j'aime beaucoup. C'est un festival. Ouais. Espagne, c'est parti, 13e journée. Démarrons par le carton de ce Barça face à Bilbao. Bien aidé, faut le dire, par un Bilbao qui a terminé à 10, donc 4-0, voilà, qui reste. Il y avait déjà 3-0 à ce moment-là, quand même. Oui. Sur du carton rouge. Oui, c'est vrai. Ça n'a pas aidé pour la suite, mais oui, c'est vrai, il y a toujours 3-0. Et puis, on va le verra, mais se rapproche du Real, qui n'a pas gagné. Mais en tout cas, le Barça, lui, a fait le job. Ouais, très belle victoire du Barça pour son retour dans son stade au Camp Nou. Ça y est. Encore en travaux quand même, hein, mais il y avait 45 000 personnes qui étaient quand même là au stade, hein, pour ce festival offensif du Barça. Pour revenir un petit peu sur la physionomie de ce match, donc avant d'encenser les qualités individuelles et collectives du Barça, voilà, je voulais quand même préciser Kudai Simon, le gardien basque, n'est quand même pas exempt de tout reproche, notamment, enfin surtout, je veux dire, sur les deux premiers buts où il touche le ballon à chaque fois, hein, ça passe en dessous de lui sur les deux frappes. Et voilà, je pense qu'il quand même doit faire mieux sur ces actions-là, même si en face de lui, bien sûr, il a des joueurs d'une grande qualité. C'est commencé quand même fort, de la 5e minute et l'ouverture du score de Lewandowski avec un bon travail de récupération d'Eric Garcia. Et donc Unai Simon maladroit sur cette frappe. Il sera maladroit aussi, comme je l'ai dit, sur le deuxième but, marqué par Ferran Torres juste avant la pause, qui a été par contre superbement lancé en profondeur par Lamine Yamal de l'extérieur du pied, une passe magnifique, vous invite à aller la voir. Et Ferran, voilà, qui était sur cette action-là, esselé au centre par la défense basque. Ça faisait 2-0 donc, et puis Fermín López qui va ensuite être récompensé de sa bonne première mi-temps en marquant le 3-0 au retour des vestiaires avant que la messe soit dite, comme on dit définitivement, quand Bilbao, tu l'as précisé, a été réduit à 10 suite à une faute grossière mais involontaire sur ce même Fermín López. Et puis voilà, Bilbao qui aurait eu quand même quelques occasions assez nettes, mais qui aurait aussi fait face 2-3 fois à un bon Juan Garcia dans la cage catalane. Et puis voilà, anecdotique, mais quand même un doublé de Ferran Torres pour le clou du spectacle. Après encore, mine de rien, un gros travail technique de Yamal qui revient en grande forme, vraiment pour une seconde passe décisive pour lui. Un but qui a été d'ailleurs un temps refusé, puis accordé, puisque Ferran n'était finalement pas en jeu. Et ça fait donc 4-0, propre et net pour le retour du Barça, on l'a dit, au Camp Nou. Très beau match donc des stars offensives du Barça, mais aussi, je les ai nommés, hein, de Fermín ou encore d'Eric Garcia. Et donc le FC Barcelone qui reste accroché, tu le disais en amont, au Real, au classement, juste derrière les Madriennes. Exactement, dont on parlera juste après, mais avant, parlons de l'Atlético. Courte victoire, mais très importante pour rester, on va le voir, hein, c'est les quatre premiers, c'est très serré. Après, il y a un vrai fossé, mais les quatre premiers, c'est très serré. Donc, il fallait vraiment gagner ce week-end pour accrocher ce wagon. Ça n'a pas été simple, loin de là. Il a fallu un CSC pour s'imposer, mais que ce fut compliqué. Ouais, petite victoire de l'Atlético, mais qui reste bien sûr importante. Ça, c'est une équipe assez chiante à jouer, hein, Getafe. Ça, on le dit, on le voit beaucoup depuis quelques temps, et notamment ce début de saison. Mais ça peut aussi, cette courte victoire, s'expliquer par un système un peu hybride et une défense à 5 concoctée par notre ami Simeone, ce qui pouvait être un peu étonnant étant donné qu'il joue à 4 hein, depuis le début de saison en défense. Le match qui aurait pu basculer quand même plus tôt aussi dans cette partie, notamment quand il y a eu une action litigieuse de Getafe qui est arrivée à la 25e où Iglesias se fait pousser à deux reprises hein, quand même dans la surface madrilène, mais pas de penalty nous a indiqué monsieur l'arbitre. Je pense quand même que moi, ouais, il y avait quand même un petit quelque chose pour Getafe, mais donc il n'a pas été récompensé sur ce mouvement-là. Voilà, côté Colchoneros, Griezmann qui a été important hein, dans l'animation offensive. Hein, heureusement qu'il est entré prématurément en jeu à la place de Llorente à la 14e. Enfin, heureusement pour lui, bien sûr, hein, pas pour Llorente, on va pas lui souhaiter du trop de malheur. Mais voilà, puis faudra attendre la fin de match, tu l'as dit, avec un CSC. Grâce à une bonne remise dans la surface de Raspadori vers Griezmann, et c'est Duarte hein, qui la met contre son camp. Et ça fait donc quand même 3 points importants pour l'Atlético Madrid qui reste au pied du podium à 3 points du Barça et donc 4 du Real avant donc de recevoir, on le disait tout à l'heure, l'Inter mercredi en Ligue des Champions. Oui, gros match pour l'Atlético. Qui s'est pas forcément rassuré, mais je l'ai dit, Getafe, c'est quand même très très chiant à jouer. Hein. Vraiment, ouais. C'est une équipe assez. Forcément, non seulement c'est l'Atlético en face qui n'est pas connu pour son grand déploiement offensif. Ça a pu arriver quand même quelques fois en début de saison. Mais vraiment, t'as un Getafe Atlético comme ça. En plus, je l'ai dit, l'Atlético, qui avait un peu une défense à 5 là, sur ce match-là, c'est un peu une purge ce match quand même. Bon, en tout cas, ils ont gagné. C'était le principal. Ils ont gagné, c'est le principal. Et puis Barça, ils ont le contact des deux devant. Ouais. On n'a pas dit, mais le Barça ira à Chelsea aussi, match intéressant. Ce sera demain. J'attends beaucoup du Barça en tout cas sur ce match-là, ouais. Vu ce qu'ils nous ont encore montré ce week-end aussi. Je l'ai dit aussi, le potentiel retour vraiment en très grande forme de Yamal. En tout cas, je l'ai dit, il a été très très bon. Avec le Barça en championnat ce week-end, donc j'en attends beaucoup du Barça, donc c'est vrai que ça va être un match intéressant contre Chelsea. Ouais. Le Real tenu en échec à Elche, hein, qui perd 2 points importants, surtout au vu de ce qui s'est passé derrière, hein, tout le monde a gagné, donc c'est un nul qui peut être frustrant, mais en tout cas ça fait 2 partout. Pas de Mbappé cette fois-ci. Qu'aura pris un jaune par contre. Comme une passe B aussi, Mbappé quand même. Oui. Mais de partout, donc petit coup d'arrêt pour le Real. Ouais, frustrant, tu disais oui et non. Oui, parce que au final, dans les tout derniers instants du match, ils auraient pu marquer le 3e but, le Real. Mais de par la physionomie du match, non, franchement, en tout cas, t'es pas censé ressentir ce sentiment-là si t'es quelqu'un d'objectif, parce que voilà, il y a. Ça n'a vraiment pas été un grand match du Real face à Elche. C'est un peu le genre de perf quand même qui s'en vont et qui reviennent un peu pour les Meringues au fil des semaines. Alors, c'est arrivé malgré des victoires aussi depuis le début de saison. Évidemment, ils sont quand même premiers, donc ils ont gagné souvent. Mais ce genre de perf-là, on le retrouve beaucoup avec le Real, je dis cette saison, mais même déjà la saison dernière. Donc ouais, je trouve bien étonnant finalement, ça résume bien cette tendance-là pour eux. Il y a des fulgurances individuelles de temps en temps, et comme au contraire, surtout ce week-end, des performances fantomatiques, peut-être même cataclysmiques pour certains. Quand je vois encore une fois là, hier soir, Rodrigo qui a eu sa chance en débutant à la place de Vini, et qui a une nouvelle fois rien produit, rien proposé. Bellingham, il a du mieux depuis son retour, mais c'est encore un peu moyen, même s'il a marqué le but du 2-2 à la 87e. Ben Alexander Arnold, offensivement, c'était pas trop mal, il y a quand même un peu de déchets, mais ça reste dur, vraiment dur, surtout défensivement, on savait qu'il avait déjà un petit peu ses faiblesses-là à Liverpool, mais là, même offensivement, il a eu du bon, mais il y a du déchet, de la justesse technique qui n'a plus, là, en tout cas, depuis son arrivée au Real. On sait qu'il a eu un peu de mal à s'intégrer, mais dans cette équipe, notamment, ça n'a pas été simple, son accueil, notamment avec Carvajal hein, qui est directement quand même son rival hein, à ce poste-là, je trouvais plus le mot son rival. Il y a eu ces rumeurs là après voilà, c'est compliqué pour lui. Mbappé, on l'a dit, bon, il a pas marqué hier, il a mis une passe D certes, mais bon, il a pas été flamboyant, mais c'est le seul offensivement qui bouge et qui peut apporter du danger sur le but adverse, et c'est peut-être là aussi le problème du Real, c'est qu'on se repose peut-être trop. Et c'est ce qu'on espérait de Xabi Alonso au final avec son arrivée, mais pour l'instant on ne voit pas autre chose que le Real qui espère une fulgurance de Mbappé, surtout quand Vini n'est pas là, en tout cas n'est pas titulaire. Mais Vini, même après son entrée, il n'a rien apporté de spécial, il n'a pas été bon, même chose, il a eu beaucoup de déchets. Et puis défensivement, ça reste aussi moyen. Elche a été. Surtout ses contres et ses transitions offensives s'est montré vraiment dangereux. Et ça a fait bouche à 2 reprises, à la 53e et la 84e, pour respectivement l'ouverture du score et le 2-1, puisque Elche a mené quand même 2 fois. Parce que Elche, c'est l'inverse de Getafe. Elche, vraiment, ça produit du jeu, ça joue beaucoup, ça joue haut. Et donc ça laisse aussi des trous en défense pour eux. Et c'est peut-être grâce à ça du coup que le Real a pu revenir et a failli empocher quand même les 3 points et faire le petit hold-up du week-end. Mais voilà, en résumé, ça reste pour moi un bon point de prix pour le Real, qui peut s'estimer heureux de repartir avec ce point-là, ouais. Et qui, ouais, bah, de justesse éviter ce piège-là à Elche. Mais ça garde au moins leur trône de leader quand même. Oui, qui reste devant. Et qui ira. Mais il perd un peu de terrain. C'est ça. Et qui ira Olympiakos. Ce sera mercredi. Oui. Très bien. Le classement, donc, on l'a dit, donc le Real reste en tête 32 points, le Barça 31, Villarreal 29, qui au passage a gagné face à Mallorca 2-1. Si important de rester au contact. L'Atlético 28, donc voilà, c'est très très serré ce top 4. Et après, il y a un vrai fossé, puisque le cinquième, c'est le Betis Séville avec 21, donc voilà, ça s'est vraiment décroché. Un petit peu comme l'an dernier d'ailleurs, c'est un peu tous les ans, enfin, plusieurs années où c'est un peu comme ça, il y a toujours le top 4, et puis derrière, 21 pour le Betis, 18 pour le Barcelone, donc il y a un vrai fossé entre les deux. Puis en bas, Gérone, Levante et Oviedo, le promu, bah, qui va peut-être pas rester longtemps, qui pour l'instant qui est relégable. Ce qui va nous attendre ce week-end, bien sûr, on va en parler. La semaine prochaine, c'est aussi la Coupe en Espagne, sans pour l'instant les Européens. Mais pour ce qui concerne la journée qui nous attend, la 14e journée, on a donc le Real qui ira à l'Atlético Madrid. Voilà, c'est le choc de Madrid. Ah non, pardon. Non, ils iront à Gérone. C'est Real Oviedo, pardon. Je me suis arrêté à Real. Qui ira à Gérone, exactement. L'Atlético recevra le Real Oviedo. Voilà. Et puis le Barça recevra l'Alaves. Voilà. Samedi après-midi. Ouais, et puis le Real qui ira à la Real Sociedad aussi. Et la Real, l'as dit, troisième. Exactement. Ouais. Voilà pour donc l'Espagne. On termine avec l'Angleterre, alors que justement c'est la mi-temps entre Manchester United et Everton. Ouais. Avec pour l'instant, est-ce que c'est un hold-up? Peut-être pas. Pas vraiment. Alors United là, c'est quand même plutôt bien installé dans le camp d'Everton, mais non, c'est pour autant c'est pas un hold-up parce qu'Everton a quelques contres, les manie plutôt bien. Donc ça fait pour l'instant 0. Alors on va voir ce qui va se passer en seconde période. Si United, bah, je pense, va essayer de pousser. Mais non, pour l'instant, non, c'est pas un hold-up à quoi qu'on en parlait, pas du tout. Non. Mais pour l'instant, voilà, ils sont dans le même. On vient de voir le classement direct là. Ils sont quand même dans le même bateau. Hein. Everton 10e et United 11e ou l'inverse. Je sais plus exactement le truc, mais le même nombre de points, 18 points et différence de but 2-0. Donc ils sont vraiment dans le même bateau là pour l'instant dans ce classement en direct. C'est la mi-temps aussi en Espagne, Espagnol-Barcelone, Séville 0-0. Ça a repris en Ligue 2, Reims-Montpellier 1-0 toujours pour les Rémois. Et puis en Italie, là aussi ça a repris, Sassuolo-Pise toujours 1 partout. L'Espagne, c'était la 12e journée, on démarque Chelsea, les Blues vainqueurs à... Angleterre. J'ai dit quoi? L'Espagne. Oh, décidément. c'est bon 3 fois comme déjà. tu me sors le grand jeu là, c'est pas mal. On continue donc avec l'Angleterre et Chelsea, les Blues qui se déplaçaient à Burnley pour une victoire face au pas lanterne rouge mais qui est quand même relégable, victoire 2-0. Voilà, c'est le boulot est fait et c'était important avec ce qu'on verra ce qui s'est passé derrière. Oui, non, pas une lanterne rouge parce que il y a une vraie lanterne rouge. Oui, alors là oui. Est-ce que ça va pas être comme l'an dernier c'était qui l'an dernier C'était en Angleterre. Oui c'était Sunderland contre Southampton. Donc Southampton qui avait pas battu. Ah, oui, bon, qui avait pas battu le record mais qui avait égalé le record je crois avec 12 points. Ouais, exact. Donc pour l'instant et Wolverhampton c'est 2 points, c'est pas énorme. C'est pas lourd. Ouais. Ils sont bien partis pour peut-être aussi battre ce record-là, mais ouais, 0 victoire aussi, hein, Wolverhampton forcément, 2 nuls, 10 défaites, c'est ouais, catastrophique cette première partie de championnat. Mais Burnley, donc face à Chelsea, Burnley qui n'a rien proposé du tout, vraiment 0% dangereux. Chelsea s'est pas baladé pour autant parce qu'ils n'ont pas fait un match grandiose, mais ouais, ils n'ont jamais été inquiétés, ils ont fait le match. voilà, un petit peu comme ça sur la pointe des pieds sans trop forcer. Et ça fait 2-0 ouais, pour Chelsea avec des buts de Pedro Neto à la 37e et de l'Argentin Enzo Fernandez en fin de match 88e. Et ça s'impose tranquillement Chelsea, ça permet voilà, de reprendre cette place de dauphin du rival Arsenal. Mais il y a toujours 6 points quand même d'écart entre ces deux effectifs, entre ces deux équipes là. Mais c'est le job, on va dire le principal a été fait pour les Blues. Oui, qui reste deuxième, on le verra derrière Arsenal. La descente aux enfers continue pour Liverpool, hein, battu 3-0 cette fois par Nottingham Forest, hein, qui fait pas un très bon début de saison, loin de là, on peut le dire, mais qui revient presque sur Liverpool. Hein, bon, il y a encore un peu d'écart, mais c'est très compliqué pour l'instant pour Liverpool. Cette période qui avait pourtant bien démarré, hein, en plus la saison. Hein, qui avait lancé avec plusieurs victoires d'affilée, il y avait eu une grosse période. Et là, c'est tout l'inverse. Bon, il y a eu cette victoire face au Real quand même, mais dans cette période-là, c'est compliqué là. Ouais, mais tu vois, cette victoire contre le Real, c'est un peu l'arbre qui tache la forêt. On s'est dit, ouais, ils ont cassé la dynamique négative, mais pas du tout. C'est vrai que Liverpool est toujours plus inquiétant. En plus, prendre une pilule comme ça à domicile par un relégable, enfin qui était relégable au coup d'envoi en tout cas, c'est sûr que ça fait très mal. 6e défaite sur les 7 derniers matchs de première ligue. C'est vrai que c'est assez fou cette dynamique, comment elle arrive et comment elle est interminable pour l'instant pour les Reds. Conséquence directe aussi d'une mauvaise gestion du club et de l'équipe. Et je parle pas forcément de l'entraîneur, mais c'est aussi la conséquence de ce percut ou estival raté, ou tout du moins mal géré plutôt, parce qu'il y a quand même eu des dépenses astronomiques et des arrivées de joueurs de grands talents. Évidemment, il y a eu beaucoup d'argent, 150 millions sur Isaac, et Kitike, c'était combien, 100 et quelques patates aussi. Il y a eu Florian Wirtz, bien sûr, qui arrive au milieu de terrain. Mais le problème, c'est que voilà, cette politique-là d'acheter Kitike, et puis ensuite avec le petit caprice un petit peu des dirigeants d'aller chercher aussi Isaac derrière, t'envoies quel message, non seulement avec Kitike mais aux deux en fait, enfin, quel message t'envoies, le fait de ne pas avoir vraiment remplacé Luis Diaz qui est parti au Bayern, et ça manque vraiment de profondeur à ce moment là Mohamed Salah qui depuis le début de saison est largement en dessous, enfin, qui est même mauvais et qui n'apporte plus rien. C'est plein de choses comme ça, plein de petites choses j'allais dire, mais non, plein de grosses choses, et ce qui explique aussi là cette très mauvaise passe pour Liverpool. Alors de là à tirer peut-être la sonnette d'alarme, je sais pas, mais là ça devient quand même assez compliqué pour eux. Puis en défense, et ça manque beaucoup d'agressivité. Konaté a été une nouvelle fois pas bon. Il sort assez tôt dans ce match, effectivement, sûrement pour un changement offensif, puisque c'est Kitike qui rentre à sa place. Mais quand même, voilà, c'est quand tu changes une charnière centrale comme ça sur Konaté. C'est quand même aussi un message un peu fort que tu envoies à la 55e minute. C'est un peu inquiétant pour le français. C'est ça. Sur ce qui va sur le mondial qui arrive. Aussi, alors voilà, ça peut être aussi qu'une mauvaise passe, il y a encore du temps pour se remettre. On va voir ce qui va se passer pour Liverpool, le temps que le groupe se reforme un peu, ou voilà. Mais je le disais, il faut un vrai déclic pour Salah, je ne sais pas vraiment ce qu'il y a, s'il est vraiment sur le déclin à ce point-là. Mais là, ça devient vraiment très compliqué et c'est plus du tout le joueur qu'on avait encore l'année dernière. Je l'ai dit, Gakpo, ok, bon joueur, mais ça remplace pas du tout le dynamisme, la profondeur d'un Luis Diaz qui était là côté gauche la saison dernière. C'est tout ça qui fait que pour l'instant la tambouille ne prend plus. En tout cas, ça a commencé assez fort au début de saison, mais là d'un coup ça s'est arrêté. Alors, pourquoi à ce moment-là? Il y a peut-être d'autres points d'interrogation à soulever là, vous donne entre guillemets que. La partie haute de l'iceberg, la partie émergée de l'iceberg, mais voilà, après on va voir ce que ça peut donner. J'attends encore de voir quand même, mais là c'est vrai qu'en championnat ça devient vraiment compliqué. 12e, 18 points, tu me disais, gagner quasiment tout début de saison, là, 6 défaites quasiment d'un coup sur les 7 derniers matchs, c'est vrai que c'est vraiment compliqué pour eux. Mais voilà, mais cette défaite-là, je pense qu'elle est vraiment amère. On disait, face à un relégable qui fait un piètre début de saison de Nottingham Forest, prendre 3-0 à domicile, ça fait quand même très très mal aussi dans les têtes. Donc il va falloir se relever de ça. Je sais plus contre qui joue Liverpool là, en Ligue des Champions. Reçoit Eindhoven mercredi. Ouais, reçoit Eindhoven hier soir, ouais. faut essayer de reprendre confiance, même si on l'a vu du coup avec cette victoire contre le Real, hein, c'est quand même deux compétitions totalement différentes aussi. Donc on va voir, mais certes, faudrait toujours gagner ce match-là, ça peut toujours redonner de la confiance, mais bon. Parce qu'ils sont huitièmes en Ligue des Champions, c'est. Bah ils font le job quand même, mais bien sûr. Mais ils ont quand même perdu contre Galatasaray aussi en Ligue des Champions. Oui, c'est leur seule défaite. Ouais, quand même, donc Galatasaray qui quand même est assez surprenant et a un bel effectif aussi. Mais il faudra reparler et suivre un petit peu plus près cette équipe, mais ouais, Liverpool pour l'instant, oui, ils sont dans le rouge les Reds, effectivement. Et puis ils ont pris 3-0 aussi le week-end dernier face à City. Hein. Bah c'est ça. Ouais. C'est que ça enchaîne ça, ça marque pas. City justement qui est un peu le perdant de cette journée puisque derrière et devant tout le monde a gagné donc c'était vraiment pas le bon, il y a pas de bon moment pour perdre, mais là pour le coup tout le monde tout autour il y a eu des résultats favorables, donc il fallait gagner et ils ont été perdre à Newcastle Citizen. Ah, puis ça laisse encore plus Arsenal prendre les cartes. Donc cette défaite 2-1 donc pour les Citizens avant donc d'aller à Marseille ou de recevoir, je sais plus. Au Vélodrome, demain, au Vélodrome. Oui. Donc cette défaite 2-1 de The Citizen. Ouais, j'ai plutôt dire une très belle victoire de Newcastle, moi, malheureusement, du coup, parce qu'effectivement, ils se déplacent à Marseille demain. Mais très belle victoire de Newcastle dans une belle ambiance à Saint James Park. Franchement, c'était vraiment beau à voir. Victoire qui peut peut-être lancer une nouvelle dynamique et peut-être enfin réellement lancer leur saison, eux qui nous remontent Newcastle à la 14e place avec cette victoire, mine de rien. Je le conçois donc peut-être, j'espère pas tout de suite cette petite renaissance, puisque voilà, évidemment ils se dépassent au Vélodrome demain, on l'a dit, donc j'espère pas forcément. City qui s'est montré trop peu dangereux dans ce match-là. Et même maladroit, je pense à Foden par exemple qu'il a été. Même Haaland n'a pas été assez tueur sur ce match. Il a notamment buté sur Nick Pope, le gardien des Magpies. Deux coups trop peu visibles également sur son côté gauche. J'ai quand même à nouveau apprécié la performance de Ryan Cherki, qui était dans les quelques bons coups Citizen. Il a souvent fait les bons choix, le bon placement aussi, les bonnes passes quand il faut. On le sait, il a le sens du jeu, ça c'est indéniable, mais je trouve qu'il a quand même encore montré, même là sur une défaite, sur un match un petit peu sans des Citizens. J'aime beaucoup cette place quand même qu'il prend au sein de cette équipe, même si pour l'instant il a encore pas joué les 90 minutes, et il s'est fait remplacer par Oscar Bob, je sais plus, à la 70e ou un truc comme ça, 77e, je sais plus, dans ces eaux-là. En face, il y avait le technique Harvey Barnes, qui s'est offert un doublé à la 64e et 70e minute. Joueur très efficace et qui booste beaucoup aussi. Ruben Dias a égalisé à la 68e pour City. Son premier but, hein, d'ailleurs, depuis 4 ans au Portugais. Hein, c'était déjà face au Magpies, d'ailleurs. Donc attention, notamment à Harvey Barnes, hein, pour l'OM demain. Il peut faire très très mal, donc il va vraiment falloir le contenir assez vite. Puis je vais finir sur une autre petite stat aussi. C'était la première victoire du coach Eddie Howe, le coach de Newcastle, en tant que entraîneur contre Manchester City. En 19 matchs, c'était sa première victoire. Sinon, c'était 2 nuls et 16 défaites. Donc voilà, il casse une petite dynamique aussi, donc négative pour lui. Donc voilà. Mais on le disait, City qui laisse donc Chelsea juste devant à un point. Et puis surtout, on l'a dit, ouais, filer les Gunners tout devant. Et puis enfin, ce derby de Londres hier entre Arsenal et Tottenham. Arsenal qui est toujours au-dessus du lot, hein. Victoire 4-1. Voilà, ils sont vraiment sur une grosse série là. Ils ont pas perdu depuis. Justement, ça, c'est là que c'est marrant. C'était face à Liverpool lors de la 3e journée, c'était fin août. Et depuis, il n'y a pas eu de défaite pour les Gunners qui, du coup, ils recevront le Bayern de mercredi. Ça va être très intéressant cette rencontre. Oui, puis Tottenham, c'est le PSG hein, aussi. Cette semaine. Victoire totale, hein, totale et éminemment méritée pour ces Gunners-là face à des Spurs complètement dépassés, mais vraiment tous les compartiments du jeu, c'était assez incroyable. Un aisé chirurgical, hein, hauteur d'un triplé pour Arsenal qui est même pas passé loin d'un quadruplé, hein, juste après son 3e but. Arsenal qui faisait ce qu'il voulait en attaque, ça allait vite, ça se fusait. Au-delà de la partie XXLDZ, je le soulignais, Trossard a aussi été très bon. Hein, c'est lui qui ouvre le score. Un but, une passe D. J'ai trouvé Merino un peu en deçà, même si son rôle a été important, mais voilà, un peu trop maladroit dans ce match, trop souvent hors jeu, un peu trop de déchets aussi techniquement. Mais bon voilà, je vais pas épiloguer 30 ans sur ce match tellement bah il n'y en a pas eu. Peut-être juste quand même un petit mot, une petite chose positive, mais anecdotique côté Tottenham, bah c'est le, je sais pas si tu l'as vu, je pense, mais le but sublime de Richarlison, Ouais. d'un lob de quoi, un peu plus de 30 mètres, un truc comme ça, où il récupère le ballon, il voit bien sûr le David Raya, le gardien des Gunners, un peu avancé, puis la tente, et c'est un superbe but, magnifique, mais évidemment insuffisant, qui sert pas à grand-chose. Donc voilà, excellente opération pour Arsenal, hein, on le disait encore une fois. 6 points d'avance sur son dauphin Chelsea. Donc voilà, excellente opération des Gunners. Ah oui, je voulais juste te dire un petit truc, c'est quand même rare qu'on voit ça en Angleterre, et il y a eu, alors, on l'a dit, c'est le North London Derby, Oui. Derby du Nord de Londres, et il y a eu, pour une fois, un tifo. Il était plutôt beau, pas exceptionnel, mais il y a eu un tifo fait par les supporters d'Arsenal. Et voilà, je peux juste le préciser, parce que c'est vrai que c'est quand même C'est rare, oui. extrêmement, extrêmement rare qu'on voit ça en Angleterre. C'est pas des spécialistes de Tifo, c'est sûr. Non, tout à fait. Eh bien, tu l'as dit, Arsenal possède 6 points d'avance sur Chelsea, donc 29 pour 23. City chute à la troisième place avec 22 points. Alors Aston Villa aussi, qui a gagné à Leeds Qui a gagné, ouais. et qui C'est reste. vrai que tu disais, City, c'est une mauvaise opération qui n'avait pas pris au moins un point, effectivement, parce que même Villa derrière qui a gagné, ouais. Et ouais, qui revient du coup à un point de City, avec 21 points, quatrième. Crystal Palace aussi qui fait une grosse remontée grâce à sa victoire face à Wolverhampton, qui est cinquième avec 20 points, qui a pris 5 points là, 5 places d'un coup, pardon. Brighton, sixième, 19 points aussi, qui fait un début de saison intéressant, hein. C'est vrai qu'on n'a pas trop évoqué, mais qui est sixième. Et puis donc Tottenham seulement 9e avec 18 points. United, bon pour l'instant qui joue mais qui est 10e avec 18 points. Et pour le moment, c'est la mi-temps. Bon, et c'est pas encore fini, mais pour l'instant, on en est là. 11e, c'est Liverpool avec 18 points aussi seulement. C'est très compliqué. Et puis, donc, Leeds, Burnley, puis on l'a dit, Wolverhampton, hein, toujours dernier. Au milieu de rien, Liverpool qui n'est qu'à 4, oui, à 4 points du podium. Hein, oui, c'est 4 rien. Préférés aussi, hein, jusque-là. Mais bon. Mais c'est pour dire à quel point, même avec 6 défaites quasiment d'affilée, finalement, ils sont c'est pas si pas mal, ça. Tant largués que ça, alors, par rapport au titre. Si, ouais. Ça commence à devenir peut-être compliqué par rapport à Arsenal, mais quand même, avec 11 points d'écart, mais par rapport au podium, je veux dire, ils sont pas largués, quoi. Non, non, c'est ça. Classé dans le game. C'est reparti en Angleterre, justement. Tu nous tiens informé, bien tout sûr. À fait. En Ouais, Espagne, Espagnol de Séville, c'est reparti 0-0, et puis pas de but toujours en Ligue 2 et en Italie. Ce week-end, un nouveau derby de Londres pour Arsenal, qui ira à Chelsea. Match très intéressant, puisque voilà, si Arsenal gagne, là, ça va clairement. Alors, ça pliera pas le championnat est loin de là, mais ça peut. Non, parce qu'on a vu Arsenal se prendre l'épée dans le tapis souvent en période hivernale comme ça, sur les deux dernières saisons notamment. Ouais. Alors, ils n'avaient pas non plus une telle avance, enfin, ils n'ont même jamais une telle avance, si c'est le cas, en tout cas, là, s'ils battent Chelsea, ils n'ont jamais une telle avance, en tout cas, depuis des années, des années, des années. Donc effectivement ça pourrait sentir bon, mais attention tout de même cette équipe là. Mais effectivement ce serait une opération parfaite que de battre Chelsea évidemment West Weekend, ça c'est sûr. Dimanche à 17h30, Liverpool ira à West Ham, donc voilà, il va falloir gagner ce match, hein, face à au 17e, on l'a vu, ils ont perdu face à Forest, donc tout est possible. Et puis voilà, pour il n'y a pas de gros d'autres gros matchs. Bon, voilà, ce sera à peu près tout pour cette journée. Palace United, cinquième contre United. Oui. On va voir ce que fait M ce soir, mais voilà, si on des fois on peut cocher ça. Voilà. On a dit que Palace est quand même bien, bien classé pour l'instant. Oui, parce que si United arrive à gagner ce soir, il serait. Il repasse devant Palace. Il serait quatrième, cinquième, ouais, justement. Donc ça peut être un match. Quoi qu'il arrive, sera probablement un match intéressant. Ouais. Très bien. Voilà pour notre tour d'Europe. On revient en France, parce qu'il est déjà 22h08, ça va vite, hein. À noter qu'en national, donc c'est Rouen qui domine pour l'instant ce classement après, malgré son nul, hein, de vendredi face à Concarneau. Dijon suit bien aussi avec la deuxième place avec 26 points pour l'instant, victoire à Sochaux, justement, qui chute quatrième. C'est Versailles qui en profite pour s'imposer face à Châteauroux. Pour repasser troisième. Et puis mauvaise opération en revanche pour Orléans, battu face à Aubagne 4-2, hein, là c'est large défaite, qui chute huitième avec 20 points. Ouais, c'était vraiment pas de moment de perdre. Et puis en bas, pour l'instant, c'est Quevilly-Rouen, Bourg-en-Bresse, Saint-Brieuc. Donc dans cette zone rouge, pas de match ce week-end puisque c'est la Coupe de France, me semble-t-il. Déjà, oui c'est ça, c'est la Coupe de France week-end. Orléans ira à l'Union Saint-Jean, club de, je crois de régional, alors je sais plus exactement, mais un club de je sais plus. En tout cas, voilà, ce sera ce week-end. Orléans, c'était déjà une R1 qu'ils avaient eu le tour précédent. Au tour précédent, ouais. Et non, je sais plus, mais je vais vous retrouver ça. Mais en tout cas, c'est bien la coupe ce week-end, et ce sera un déplacement du coup régional 1. Oui, non, c'est ça, c'est régional 1 pour Union Saint-Jean. Donc c'est encore un club de régional. Huitième tour de cette Coupe de France, ce sera samedi après-midi. En tout cas, pour l'instant, c'est programmé comme ça pour cette rencontre. Voilà, on aura l'occasion de reparler d'autres matchs de ce huitième tour. Mais poursuivons avec nos prochains matchs, en tout cas en championnat pour Orléans dans ce championnat national. Ce sera le 5 décembre, un déplacement à Quevilly-Rouen, voilà, qui est relégable. Donc ce sera une victoire impérative pour pas être décroché. La Ligue 2, assez brièvement, 3 reste leader avec son succès important face à Laval 1-0. C'était vendredi soir. Saint-Étienne aussi qui s'impose face à Nancy 2-1, reprend la deuxième place. Du Red Star qui de son côté a été tenu en échec face à Clermont 2-2. Donc voilà, ça se resserre en haut. Montpellier ce soir à l'occasion, même si ça, pour l'instant ça se passe pas bien, de revenir à proximité du podium, mais pour l'instant ils sont menés toujours 1-0 par les Rémois qui sont 8e pour l'instant. Le Mans reste en embuscade, hein, 5e, 24 points. Donc tout est encore possible. Puis en bas, Nancy, Laval et Bastia, voilà, sont pour l'instant en zone rouge. Voilà, et là aussi, ce week-end, bien sûr, la Ligue 2 en Coupe de France pour les clubs encore engagés. Et enfin, la Ligue 1 pour terminer avec cette 13e journée. Allons-y pour ce débrief. On démarre avec Marseille qui était en déplacement à Nice vendredi soir avec un festival offensif et une victoire 5-1. Ouais, très belle victoire de l'OM, ça c'est sûr, qui est un peu qui sait mettre des petites taules quand il faut depuis le début de saison. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir ça aussi. En plus, voilà, à quelques jours d'un match, on va dire, important contre, enfin, quelques jours maintenant, à la veille d'un match très important en 5 contre Newcastle. Donc c'est une très belle victoire pour la confiance aussi, et puis notamment pour nos joueurs offensifs, hein, puisque nos 3 de devant titulaires ont marqué, hein, doublé pour Greenwood qui a été énorme sur ce match-là, un but de Bobby Young qui peut peut-être, voilà, lui faire du bien. Ça va mieux, ouais, ça va aller mieux. J'espère pour lui que ça peut aller mieux. Même si son but n'était pas exceptionnel, mais voilà, il l'a mis au fond et c'est très bien. Puis un but d'Igor Peixão aussi, donc ça c'est important. Et puis même Weah, suite des fois, alors il est latéral, mais il montre quand même beaucoup aussi. Donc voilà, un but important aussi pour Weah aussi. Donc voilà, un match plein des Marseillais. J'ai aimé le match de Vermeeren, pour moi, qui doit garder sa place de titulaire, hein, mais ça je le pense depuis quelques temps. J'ai bien aimé aussi, mine de rien, l'entrée en fin de match d'Egan Riley aussi, qui d'ailleurs a fait une passe D. Un match plein des Marseillais. C'est peut-être un poil sévère comme ce score, cette défaite pour Nice, parce que je trouve qu'ils ont quand même montré quelques bonnes choses aussi offensivement. Voilà, ils auraient peut-être pu mériter un écart en tout cas moins sévère, mais c'est une victoire amplement méritée et ô combien importante pour l'OM, voilà, qui permet de rester dauphin du PSG. Et d'avoir aussi la meilleure différence de but en championnat. Exactement, victoire 5-1, je l'ai dit, avant de recevoir Newcastle. Samedi, match intéressant entre Lens et Strasbourg. Décevant, ouais, vrai. Oui, c'est vrai. Et Lens en profite pour s'imposer et rester à coller à Marseille, et c'était important. Donc victoire à 1-0 sur le fil. Il s'est passé des choses, c'était animé, mais un seul but. Ouais, parce que même Lens a été un peu décevant pendant longtemps, hein, même dans ce match aussi. ils ont été assez maladroits aussi, même s'ils sont créés plus d'occasions que les Alsaciens. Mais ouais, Lens à domicile, ça reste costaud, et puis ça reste une équipe en forme bien sûr dans notre championnat. Donc même en fin de match, à la 69e, ils ont ouvert le score. C'était quand même mérité, on l'a dit, par rapport à Strasbourg qui était en dessous de ses performances habituelles. Donc quand même un gros match, un match sérieux de Lens. Même s'ils ont mis du temps, je l'ai dit, à trouver la faille, mais victoire très très importante, tu l'as dit, en plus pour rester collé à l'OM, hein, 28 points chacun, et donc rester collé quasiment au PSG qui est seulement à 2 points devant. Donc ouais, très très belle perf quand même des Lensois, malgré un rouge aussi qui pète, c'est un peu dommage aussi pour Guy Labogui qui est entré en jeu en plus seulement un quart d'heure avant, donc c'est peut-être dommage aussi. Mais c'est le petit point noir de la soirée pour eux, mais voilà, une très belle victoire, sans encaisser de but aussi. Donc ouais, bien joué pour Lens. C'est le frère de Guy Labogui qu'on connaissait en équipe de France. Il a joué en équipe de France, Guy Labogui. Je crois. Hein. Je m'avance peut-être un peu. Ou deux, non. Ouais, très peu. Mais c'est son frère, non? Non, je crois pas, je sais plus, peut-être son cousin, je sais plus. Ah, Joshua, c'était Joshua Guy Labogui, ouais. Oui, c'était Joshua, je me rappelle, il jouait à Saint-Etienne, mais. Ouais, ouais. 7 sélections, quand même. 7? Ah ouais? Ouais, ouais, je. Alors, c'est automatique. Alors quoi, l'époque Laurent Blanc ou début Deschamps, alors? Ouais, oui, ça devait être ça. Hein. C'est à ce moment-là où c'était en reconstruction après Nice Now, 2013-2015, donc c'était l'époque Deschamps, hein, début d'époque. Ouais, voilà. Ouais. Mais c'était auprès des matchs amicaux, à mon avis. Mais ouais, je sais pas si c'est son frère ou. Je crois pas que ce soit son frère. Je vais pas dire de bêtises, donc voilà. Mais. Si, c'est son frère. Voulais... Si, ils sont bien frères. Ouais. Son frère quand même. Ouais, okay. Ouais, frère cadet. Voilà, bon, en tout cas, lui, il est à Lens. Et petit point noir pour Strasbourg, c'est aussi le carton rouge quand même de Barco qui est très important depuis le début de saison. Ouais, ça va leur manquer, ouais. Pour le prochain match. Point noir aussi, ouais. Enfin, si, il a pris qu'un match, du coup? C'est un rouge direct. Ce sera jeudi, ça, en commission. Ouais. Donc, mais où je prends probablement, ça dépend la faute. Hein. Je sais pas, c'était pour quelle faute. Ouais, c'est un rouge, c'est une faute grossière. Donc oui, probablement qu'un match. Ensuite, on avait Rennes qui recevait Monaco. Pour Rennes, ça va beaucoup mieux, hein, depuis quelques matchs. On en avait un petit peu parlé. C'est vrai que depuis les mauvais résultats, là, les matchs nuls à répétition, il y a eu 3 victoires donc consécutives. Et cette fois, c'est face à Monaco qui, de son côté, s'englue dans une spirale négative. Hein. 3e défaite consécutive en championnat. Alors, c'est vrai qu'il y a eu de la victoire à Bodo Glimt qui a été un petit peu, qui a un peu fait du bien, mais c'était peut-être un peu trompeur cette victoire. Et là, 2 défaites. C'était compliqué déjà, on l'a dit tout à l'heure. C'était hyper compliqué. Et derrière, il y a eu ces 2 défaites, et 2 défaites 4-1, en plus, hein, c'est vraiment des grosses défaites. Et cette fois, c'était face au Rennais qui en profite du coup pour passer devant leur adversaire du jour. Bah, défensivement, Monaco, c'est compliqué. Hein. C'est pas l'assurance tout risque, même le penalty à Rennais, là, la faute, elle est flagrante. Elle est grossière quand même, hein, aussi. Mais Monaco, ouais, bah ouais, franchement, ils ont été surclassés sur ce match-là. En plus, pareil, gros point noir, bah, c'est ce carton rouge de Zakaria. Ouais, qui revenait de blessure. C'est ça. Le capitaine qui manquait, il n'y a pas le temps de trop se montrer. Ouais, ouais, donc franchement, ouais, match complètement sans. Fatih, on l'a pas vu sur ce match-là. Non, Fatih, on l'a pas. Non. Mais... Non. Tous les joueurs. Hein, Akliouche qui a essayé de faire ce qu'il a pu, mais c'était pas suffisant. C'est marrant, c'est que c'est Brel Embolo qui marque contre son ancien club qu'on a vendu là. Et ouais, bon, enfin, en tout cas, c'est pas lui qui a fait perdre. Hein, il y a 4-1. Biretz qui va réduire l'écart, mais ouais, c'est vraiment symbolique. Mais sinon, avec 4 buts encaissés encore. C'est beaucoup, c'est un peu inquiétant. Il est pas concerné un peu sur le but, Pogba, sur le but de Monaco? J'ai pas vu. Je t'avouerai que j'ai pas vu la fin du match. Et pas une passe D, mais peut-être la passe juste avant, je sais plus. Mais d'ailleurs, on a revu Pogba quand même, sans faire. Oui, 5 minutes. Bon, pareil, c'était vraiment pour le symbole de le revoir sur le terrain, mais il est rentré 5 minutes. Mais en tout cas, il s'est pas blessé, c'est déjà le principal. à voir s'il arrive à revenir un peu mieux sur les prochaines rencontres. Mais c'est un peu inquiétant, ouais, pour Monaco là qui enchaîne des grosses défaites. C'est pas des défaites étriquées d'un but. C'est vraiment là 4-1 deux fois de suite. Ouais. C'est vraiment inquiétant pour la suite là. Désormais, il y a 10 points de retard sur Paris. Hein. Alors qu'il y a un mois et demi, ils étaient premiers, ils étaient devant. Donc c'est inquiétant et on va voir en plus qu'il va y avoir la Ligue des Champions qui va s'enchaîner encore. Donc ça va faire encore des matchs supplémentaires. Donc là c'est à Tsapafos, donc face au club de Chypre, il va falloir absolument gagner déjà pour le classement Ligue des Champions, mais aussi pour se donner un peu de confiance et voir si ça peut revenir en championnat. Alors ce sera pas le meilleur adversaire pour enchaîner, c'est Paris hein, ce week-end. Donc voilà. C'est une période très difficile, mais voilà, ça peut arriver, mais il va falloir se mobiliser très vite. C'est vrai que sur le Ligue 1, il n'y a eu qu'un seul clean sheet, hein, ouais. En Ligue 1, je crois. C'est vrai que c'est compliqué derrière. C'était contre Toulouse, 1-0, petite victoire. Mais c'est vrai que défensivement, ça reste compliqué. Il y avait eu en Ligue des Champions, sinon 0-0, le 0-0 contre Tottenham, on s'en rappelle. Et puis, c'est 1-0, pas ça de Glint, mais. C'est vrai que les blessés tardent à revenir et et puis quand ça revient, ils prennent un rouge. C'est ça. C'est ça. Il manque ouais. Bon là, il y avait le retour de Radecki. Le gardien Lucas Radecki, le gardien du Bayern qui faisait son retour. Bon, et malheureusement, il en a pris 4. Mais voilà, il y a des blessures qui tardent à revenir et ça a du mal à suivre pour les remplaçants. Donc à suivre, il va falloir rebondir très vite. Mais là, ça va être une semaine décisive. On verra. En tout cas, défaite 4-1 pour Rennes, ça va beaucoup mieux. Paris, justement, on l'évoquait à l'instant. Bon, on va passer rapidement. Victoire 3-0 face au Havre. Ils préparent tranquillement la rencontre face à Tottenham. Face en plus à une équipe du Havre, largement surclassée sur cette rencontre. Que dire de plus ? Paris a fait tourner, ça a été du turnover classique, quoi, à quelques jours d'un match important forcément avec les champions. Paris a fait le job largement 3-0, le Havre a essayé de jouer quand même ce match. Bon, ils ont pas su trouver la faille quand même dans la défense parisienne. Chevalier qui a fait une belle performance quand même aussi dans ce match-là. Les remplaçants parisiens ont fait le job, les jeunes aussi. Kangini a marqué, Neves encore une fois aussi, a encore marqué le petit Neves, qui est vraiment un véritable joyau au milieu de terrain. Pas grand chose à dire de plus. 31 tirs quand même hein, pour ouais, c'est énorme. Pour Paris. Que 11 cadrés quand même, c'est pas énorme. C'est 1 sur 3, c'est vrai. Ouais. On peut faire mieux. On peut faire mieux évidemment quand même, même s'il n'y a pas l'équipe qui est bien sûr loin de là. À voir si Dembélé sera dans le groupe mercredi. Je sais pas si on a encore des infos, mais en tout cas, je les ai pas. On va voir s'il faut précipiter son retour ou pas forcément. Je pense pas que ça serve quelque chose de vraiment précipiter à 100% son retour là mercredi. Mais voilà, en tout cas, là, oui, Paris a fait le job sans forcer, bien sûr, en faisant tourner. Donc, le principal est là. Ils ont repris leur place de leader. 3 points importants. Ils les ont glanés sans forcer. Donc, c'est une bonne chose pour eux. Ouverture de score de l'Espagne Barcelone en Espagne, donc 1-0 face à Séville, et pour l'instant ça n'a pas bougé ailleurs. Voilà pour samedi. Hier, allez, on va accélérer, on va assez rapidement sur les matchs de dimanche. Auxerre Lyon, 0-0. Voilà, très mauvais résultat pour Lyon hein, qui se déplaçait face à la Lanterne Rouge. Et là c'est pareil, ça, pour Lyon c'est une période un petit peu plus compliquée. En tout cas en championnat. Ouais, mais je pense vraiment qu'ils peuvent s'estimer heureux de ce point-là, parce que Auxerre a vraiment pas eu chance dans ce match. Ils ont loupé des occasions énormes, un penalty manqué. Donc non, vraiment, Auxerre a fait un match sérieux, même si Lyon après a repris le contrôle non seulement du ballon, hein, quand même 70% de possession sur l'ensemble de ce match, mais Lyon n'a pas été extrêmement dangereux dans ce match-là. Il y a eu que très peu d'occasions vraiment franches. Donc Auxerre vraiment aurait mérité mieux quand même sur ce match-là, au moins un but en tout cas, même s'il y avait un partout ou quoi, mais Auxerre aurait mérité mieux sur ce match-là. Mais c'est vrai que Lyon là, on sent la limite un petit peu de l'effectif aussi, puis la limite de certains joueurs un peu jeunes ou en manque d'expérience. Talismera là qui n'est pas trouvé très très bon sur ce match-là. même Satriano là qu'on a vraiment pas trop vu, qui a pas été très bon en pointe devant, voilà, même au milieu de terrain c'est assez compliqué, Tolisso, Tesman, même si voilà Tolisso reste le maître de ce milieu de terrain lyonnais. Voilà, ouais, match performance ouais négatif pour Lyon. Auxerre ouais peut avoir un peu de regret sur ce match là forcément, parce que il reste Lanterne Rouge, 3 points de Metz et de Lorient et de Nantes juste devant. C'est dommage de pas ramener les 3 points, il y avait la place franchement pour Auxerre. On continue hier avec la victoire d'Angers à Toulouse. La courte victoire 1-0, mais qui est très importante au niveau comptable. Pour rejoindre les Toulousains, donc à égalité, c'est le but de Belbdim, donc pour les Angevins. Ouais, Angers qui s'en sort vraiment très très bien, hein, parce qu'effectivement, ils se sont fait dominer toute la rencontre par les Toulousains, 25 tirs à 6 hein, quand même pour le TEF. Mais qui n'a pas été du tout récompensé, qui n'a pas été réaliste sur ce match-là, et voilà, et bah, ils peuvent eux vraiment ressortir frustrés de ce match-là, mais voilà, c'est aussi les lois du foot, c'est comme ça, et c'est vrai que Toulouse, Angers rejoint Toulouse du coup au classement avec 16 points chacun dans le ventre bout de ce classement-là. Toulouse 10e, Angers 11e, voilà, très très belle opération du coup pour les Angevins, je l'ai dit, qui ont marqué tôt par Belbdim, comme tu l'as dit, à 16e. Et ouais, Toulouse qui peut vraiment un petit peu se mordre les doigts de pas avoir au moins un point après ce match à la maison contre le SCO. But en Italie, c'est Pise qui va prendre l'avantage de 2-1 donc face à Sassuolo. On continue avec Brest qui va s'imposer face à Metz 3-2 pour Brest. Bah, c'est la fin d'une série, d'une spirale très négative. Il n'y a pas eu de victoire sur les 6 derniers matchs. Hein. Donc c'était dont 2 défaites assez larges face à Paris et à Marseille. Donc voilà, une spirale qui se stoppe face à Metz, qui de son côté s'englue vraiment dans la zone rouge. Donc victoire 3-2 dans un match où il y a eu du spectacle. Ouais, c'est comme un petit stop aussi. Enfin, c'est même un stop pour Metz. Hein. Metz qui restait sur 3 victoires d'affilée. Ouais. En championnat, alors c'était d'ailleurs les 3 premières en fait. Hein. Donc c'est pour ça que ouais, c'est dommage aussi pour Metz de repartir avec 0 points avec ce penalty de Del Castillo au bout du bout, hein, 90+10. Le 3-2 pour Brest, tu l'as dit, alors ils ont cassé leur spirale négative, hein, Brest, donc c'est une bonne chose pour eux. Match en plus avait commencé fort, hein, 1-0 pour Brest de la deuxième. Égalisation de Metz à la 6e minute, hein, de Tsitaïchvili. Voilà, Doumbia pour Brest 2-1 juste après la pause. Metz qui va être encore une fois réaction avec un but contre son camp de Koulibaly, ça fait 2-2. Et puis bon, je l'ai dit, donc c'est ce dernier but de Del Castillo en toute fin de match. Donc ouais, match, enfin c'est cruel pour Metz aussi, même si voilà, ça peut sembler plutôt mérité sur l'ensemble du match, de la physionomie, de l'animation offensive. C'est vrai que c'est quand même plus côté brestois, donc c'est un peu plus logique que Brest remporte ce match. Mais Metz a aussi été réaction, je l'ai dit, a été costaud. Et voilà, sur la dernière semaine, comme je l'ai dit, les 3 dernières victoires, voilà, c'est dommage pour Metz que ça s'arrête comme ça, un petit peu cruellement de cette façon. Donc voilà, mais c'était important pour Brest aussi de prendre de l'air par rapport à cette zone rouge. On enchaîne avec Nantes-Lorient, très rapidement, là, en 30 secondes, un partout. Ça n'arrange évidemment personne, ce match nul. Ouais, ça n'arrange personne dans ce derby breton. Pareil, ben, je l'ai dit tout à l'heure, 11 points chacun, c'est Nantais, c'est l'Orientais. Donc l'Orient qui est pour l'instant en place de barragiste avec un moins bon goal average que les Nantais, 15e. Donc ouais, un match qui n'arrange évidemment personne. Ça donne pas d'air ni à l'un ni à l'autre. Pourtant l'Orient, se voyait déjà avec les 3 points, avec ce but, un CSC d'Aouazième qui a marqué contre son camp pour Nantes, et donc ça fait 1-0 pour Lorient à la pause, et c'est ce même Aouazième qui va égaliser. Donc il y a une petite justice pour lui qui va venir chercher le point du nul quand même pour son équipe au bout du bout aussi, 90+1. Donc oui, effectivement, ça n'arrange personne, mais il se quitte entre guillemets bons amis. C'était pas un grand match, hein, honnêtement. ce match entre Nantes et l'Orientais, on sentait vraiment que c'était un match de bas de tableau. Un tir cadré partout, tu l'as dit, ça n'arrange absolument personne ce résultat. Et enfin Lille qui se reprend après 2 défaites en Ligue Europa et en championnat, là, qui se refait bien avec ses victoires face au Paris FC, et en marquant 4 fois en plus, donc du but et du spectacle dans cette rencontre. Ouais, c'était important pour Lille, oui, de retrouver le chemin de la victoire après la défaite à Strasbourg en championnat le 9 novembre, juste avant la trêve. Puis Lille qui avait perdu aussi en C3, hein, c'était face à l'Étoile Rouge de Belgrade en début de mois également. Donc c'était important pour eux de retrouver de la confiance contre le promu parisien qui quand même fait pas un grand début de saison. Un doublé de Giroud aussi, c'est important pour lui, qui retrouve bien le chemin des filets, et un doublé aussi, donc c'est vraiment important, avec notamment un penalty. Voilà, donc une belle victoire des Lillois, qui aurait pu être un peu plus sévère si Kevin Trapp, l'ancien du PSG, maintenant au PFC, n'avait pas été plutôt bon quand même sur sa ligne aussi. Même si on a pris 4, il a quand même sauvé pas mal de fois les cages parisiennes, donc ça aurait pu être plus sévère pour les Parisiens. Mais ça reste une belle victoire avec 4 buts marqués, on l'a dit, pour les Lillois, qui leur permet d'être au pied du podium, à 5 points certes de Lens et de Marseille, mais au moins voilà, ils sont là, ils sont placés à cette place de barragiste pour la Ligue des Champions. Voilà, à 1 point devant Strasbourg, donc c'était une victoire importante, les 3 points retrouvés pour Lille. Le classement, donc, avec Paris en tête, 30 points, Marseille, Lens, 28 points. Lille revient 4e avec 23 points, Strasbourg est 5e, 22 points, Rennes suit derrière 21 points, tout comme Lyon, Monaco shoot à la 8e place, 1 point. Et en bas, donc, on a dit Nantes, Lorient, Metz à 11 points, et puis Auxerre, dernier avec 8 points. Allez, on attaque les pronostics. Là, on va essayer de d'accélérer un petit peu. Avec d'abord un petit retour sur ce qui s'est passé sur les deux dernières journées. 12e journée, alors là, la claque, 7-3. Tu gagnes 7-3 cette journée. Tu as été presque sur un sans faute, hein, pratiquement. C'était laquelle? Avant la trêve? Ouais, 12e journée, ouais. Ah, elle était belle. Elle est belle, celle-là. Ouais, celle-ci, elle est belle. Et, ouais, ah oui, belle, il n'y a aucune contestation. Et puis cette 13e journée, c'était plus serré, 5-4. Et c'est Lens qui te. On avait les mêmes résultats, sauf Lens. On avait, ah ouais. On avait 8 résultats sur 9 égaux. Et même le match d'hier soir, on avait mis pareil, donc c'est vraiment que Lens qui nous a départagé. Donc 5-4, mais c'était assez rare. C'est ça de pas les faire ensemble, c'est qu'on est souvent on met la même chose. Ouais. Bon, allez, attaquons cette 14e journée avec donc cette rencontre de vendredi d'abord entre Metz et Rennes. C'est à 20h45. Metz pour le moment est 17e, on a dit. Rennes, ça va beaucoup mieux, et 6e. Moi, je vais donner Rennes gagnant. Là, c'est pas si simple parce que Metz revient bien quand même. Maintenant Rennes aussi, reste sur 3 victoires d'affilée. Ah, je vais quand même pas prendre trop de risques vis-à-vis de nos pronos, de notre petit classement. Donc je vais te suivre là-dessus, je vais lever le petit bras, je mettrai Rennes. Allez. Ensuite, on a samedi d'abord à 17h, on aura Monaco Paris. Donc Monaco, là, on le sait, on jouera mercredi, tout comme Paris. Et se rencontreront donc samedi 17h entre Monaco, qui va pas bien, 8e, et Paris, leader. Moi, je vais mettre Paris gagnant. Hein. Ouais, moi aussi. Bah ouais, là, malheureusement, je vois pas autre chose. 19h, on aura Paris FC Auxerre. Paris FC 12e, Auxerre dernier. Moi, je vais mettre Paris FC quand même. Ouais, j'ai. Ouais, le match nul. Qui a perdu à Lille, mais bon, qui a pas fait un mauvais match. Ouais, mais Auxerre a été bon. Alors, Auxerre a été bon aussi, ouais. Oui, c'est surtout à domicile, ouais. Tac, tac. Ouais, peut-être je rechangerai. Pour l'instant, je mets Paris comme toi. Peut-être je rechangerai. Allez. Si tu me laisses le choix d'ici jusqu'à la fin du prono, des pronos. Je te laisse le choix. Auxerre n'a pas gagné à l'extérieur, hein, pour l'instant. Ouais. Et ils ont pris qu'un point à l'extérieur. Donc, on verra. En tout cas, on stand-by. Marseille-Toulouse, 21h. Marseille joue demain. Marseille. Mais moi, pour moi aussi, Marseille. Marseille. Dimanche à 15h, on aura Strasbourg-Brest. Strasbourg joue jeudi, hein, rappelons-le. Ils reçoivent Crystal Palace. Ça va être difficile, tiens. Ah oui, putain, c'est cette semaine, ce fameux. C'est le fameux match. Qu'on destine quand même déjà la, comme quoi, comme la finale de cette conférence League. Oui. On verra. On verra. Ça va donner déjà là pour voir. Déjà, donc, et jeudi, donc, gros match, et match à nouveau dimanche. Donc, attention. Pour Strasbourg, de pas laisser des plumes, et Strasbourg qui est 5e, Brest est 14e, qui vient de gagner un match important. Mais moi, je vais mettre Strasbourg quand même, qui me semble sur une bonne dynamique. Ouais, je vais tenter le nul. Malgré cette défaite à Lens, mais, ouais, c'est pas déconnant, un nul aussi, ouais. J'ai pensé. Lorient-Nice, ensuite, à 17h15. Lorient 16e, Nice qui est 9e, mais qui jouera jeudi également un déplacement à Porto. Pas facile. J'ai envie de mettre un nul, mais est-ce que Lorient est capable de gagner Nice bon, après ils ont reçu de la claque contre Marseille. Je tente un nul. Je vois peut-être pas une victoire de Lorient, mais pourquoi pas aller accrocher un nul. C'est pas simple, ça. Non. Lorient, ils sont pas très bons en ce moment. Non, c'est moins qu'on puisse dire. Mais je me dis, à Nice, ils ont pris une claque. Je vous jeudi, déplacement, ça va pas être simple à Porto. Je me dis que ça peut peut-être jouer un peu la fatigue. Mais j'ai envie de mettre Nice quand même. Je vais tenter Lorient, moi, mais c'est pas abusé non plus, quoi. Mais je vais mettre Lorient. Allez. Faut pas réfléchir, des fois. Angers lance ensuite. Angers est 11e. Lance qui est 3e. Bon, je vais mettre Lance. Sans problème. Je sais pas, mais je vois Lance, ouais. Ouais, je vais mettre Lens aussi. Allez. Le Havre-Lille, ensuite. Le Havre qui est 13e, Lille qui est 4e, mais qui jouera, qui recevra le Dynamo Zagreb jeudi. Mais je vais mettre Lille quand même, moi. Ouais, moi aussi. Et enfin, Lyon-Nantes, c'est à 20h45. Lyon est 7e, Nantes est 15e. Et Lyon joue aussi jeudi un déplacement au Maccabi Tel Aviv en Israël. Long déplacement. Je vais mettre Lyon quand même, je vais mettre 3-1. Parce que Nantes, c'est quand même compliqué. Hein. Voilà, Lyon aussi, tu vas me dire, mais. 2-1. Peut-être pas. Je vais mettre 2-0. Allez. Alors, est-ce que tu nous changes ton. C'était quoi déjà ? C'est AGIA. Paris FC et ECR. Ouais. Non. Non. Allez. Non, mais voilà, t'es peut-être pas à l'abri à ce que tu reçoives un message dans la semaine pour du changement. Bon, encore une fois, on a que deux résultats différents. Justement, on a quoi ? Ah, que deux ? Strasbourg-Brest et puis Lorient-Nice. Mais en plus, j'ai failli mettre comme toi sur les. J'ai failli mettre un nul aussi. Parce qu'honnêtement, il y a beaucoup de matchs où j'hésite. Hein. Angers Lens, honnêtement, j'ai hésité quand même. J'hésite sur 9 matchs, moi, à peu près 9 matchs. Plus ou moins. Mais même Metz-Rennes vendredi, j'ai un peu d'hésitation, donc ouais. Ah oui, tous les matchs. Enfin, pas tous, mais beaucoup de matchs. Ouais. C'est pratiquement fini, on va suivre la fin des rencontres. En tout cas, bon, on reste là-dessus. Pour l'instant, restons là-dessus. Ah, Reims qui a doublé la mise. 96e, ouais, ça semble plié pour Reims là dans cette rencontre. Allez, on reste sur ça. Puis éventuellement, on peut se donner encore quelques modifs. Rapidement avant de se quitter, l'agenda de la semaine. Côté foot, bien sûr, on en a parlé, la Ligue des Champions. Alors, on n'a même pas eu trop le temps d'évoquer les affiches qui allaient se jouer, mais on a parlé de Chelsea-Barça. Si on en a parlé, ce sera demain 21h. Ça, c'est un beau match, hein. On en a parlé, on l'a évoqué. Bien sûr, vous avez aussi un Marseille-Newcastle, ça on l'a dit. Manchester City, Bayer Leverkusen, pourquoi pas. Voilà à peu près matchs principaux de demain. Mercredi, place à deux autres clubs français. Monaco, on l'a dit, déplacement à Chypre pour affronter Paphos. Et puis le PSG reçoit Tottenham à 21h. Donc 18h45 pour Monaco et puis 21h pour Paris. Donc là, vous pouvez voir les trois clubs français jouer cette semaine. Et on avait coché ce Atlético Madrid-Inter aussi, hein, qui va être intéressant. Et surtout ce Arsenal-Bayern, et oui. Mais c'est un 21h aussi. Deuxième contre le premier. Et ouais, mais il y a Paris et Tottenham en face. Il va falloir choisir. Ça c'est pour donc notre Ligue des Champions. Et on l'a dit, pour la Ligue Europa, on l'a évoqué, Nice va à Porto, jeudi 18h45. Lille reçoit le Dynamo Zagreb à la même heure. Et puis à 21h, c'est Lyon en déplacement en Israël pour affronter Tel Aviv. Et enfin, pour notre club en Conference League, c'est Strasbourg qui va recevoir Crystal Palace. Grosse affiche. Hein. Ce sera donc jeudi à 21h entre donc Strasbourg qui est 7e, Crystal Palace qui est 9e. Hein. Il y a un point d'écart, donc c'est un vrai gros match pour Strasbourg, un gros test à suivre. Et puis bien sûr, le tour du championnat ce week-end. La Coupe de France, c'est le 8e tour, donc ce week-end, donc on l'a dit, Orléans au déplacement à l'Union Saint-Jean, club de Régional 1. Puis la plupart des clubs de Ligue 2 se déplaceront pratiquement. On fera un point sur tout ça la fois prochaine, une fois qu'on se retrouve. Et pour le reste, on l'a dit, le rugby, c'est le top 14 qui va se jouer là, sans match international. Ça y est, c'est le retour du top 14 seul. Le tennis c'est terminé hein, après cette Coupe Davis la saison est terminée, retour fin décembre pour la suite, pour la reprise. En basket c'est la trêve hein, donc c'est match qualification mondiale pour les Bleus qui affronteront la Finlande, et j'ai oublié le premier match, en tout cas il y a deux matchs de qualification pour les Bleus pour démarrer cette phase de qualification. Et puis peut-être la clôture du championnat de Formule 1, puisque ça peut se jouer ce week-end pour le titre. Donc ce sera le Grand Prix du Qatar ce dimanche pour peut-être la victoire de Lando Norris, le titre si ça se passe bien pour lui, sinon ça pourra se jouer sur le dernier dernière échéance. Et puis pareil, ça peut se jouer, ça se jouera ce week-end, c'est sûr, en rallye pour le rallye d'Arabie Saoudite pour Sébastien Ogier, qui pourrait devenir pour la 9e fois champion du monde et rejoindre Sébastien Loeb hein, au classement des plus titrés dans la catégorie. Il faudra faire mieux que Elfyn Evans, son adversaire qui est devant de 3 points, donc ça va être une grosse bataille sur les routes d'Arabie Saoudite ce week-end. Et puis reprise de la saison de biathlon ce sera ce week-end. Ce sera en Suède pour reprendre la saison. Et je le disais, handball, Saran qui va tenter de d'enchaîner une nouvelle victoire avec un match d'un déplacement un déplacement c'est à Ponto Combo, voilà, vendredi à 20h30 pour essayer d'enchaîner. Voilà ce qui nous attend toute la semaine. On se quitte avec la fin des matchs. Donc c'est fini, Reims donc s'impose finalement face à Montpellier 2-0. Pise a été rejoint dans la toute dernière seconde. Donc ça fait deux partout entre Sassuolo et Pise. Donc finalement pas de vainqueur dans cette rencontre. Et puis donc on vous laisse avec la fin de Manchester United Everton qui tient. Hein. Pour l'instant Everton ça tient toujours. Hein. Ça tient toujours. D'ailleurs Pickford qui a sorti un gros arrêt là encore sur une offensive mancunienne, donc pour l'instant ça tient très très bien. Les United n'arrive pas à trouver la faille, même si ça pousse quand même fort là sur le but du club de Liverpool. Et bah à la fin de ce match c'est à suivre donc pour les dernières minutes. Et donc de l'autre côté en Espagne, vous avez Espagnol Barcelone Séville, Turin 0 aussi pour Espagnol, donc il reste là aussi une dizaine de minutes pour peut-être l'Espagnol pour revenir à hauteur du Betis à la 5e place. Voilà, c'est la fin de ces rencontres. On se quitte avec un dernier titre et on se retrouve pas lundi prochain mais dans 15 jours du coup, donc le 8 décembre. Vous retrouverez l'émission en podcast sur le Facebook demain. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez la réécouter. On se quitte avec, on le disait, Un dernier titre de Jimmy Cliff, hein, encore une fois pour rendre hommage à Jimmy Cliff, un troisième titre. Ce soir, I Can See Clarina, on se quitte avec ça. Hugo, merci à toi, rendez-vous dans 15 jours. Merci à toi, le rendez-vous est pris, je vais noter ça, dans 15 jours les amis. Et puis d'ici là, bah, bonne soirée à vous, bonne semaine, profitez bien si vous êtes en vacances, sinon bon courage et portez-vous bien, ciao.